le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Véronique Mire sera comme un livre ouvert dans sa Véronicopédie. Et on laissera saigner nos plaies dans la chronique alimentaire une grosse fois tendresse. Ça veut rien dire, ça? Ouais, non, je sais. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 18 janvier 2018. On était 99 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudet. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Mm-hmm. Là où le nez à Mathieu est bouché et le mien ne l'est pas du tout. Mm. Donc, je sens que le concierge n'est pas encore passé. Et moi, je me sens choyé de ne pas sentir ça. Oui, c'est une odeur tellement agréable. Décris l'odeur pour l'auditeur commun. Là. OK. Un baril de bière. Oui. Qui est là depuis vraiment beaucoup de temps et de la sueur. Ah, de la sueur! D'habitude, ça sent le axe dans ouais, les soirées. Mais non, il y a comme un mélange des deux sur un lendemain difficile. Puis on se rappelle, hier, il y avait quand même un party. Le blacklight truc. Exactement. Lumineux. Donc, ça sent le blacklight. Ouais, c'est ça. C'est pas nécessairement positif. Enfin, non. J'espère que vous avez eu du fun si vous êtes allé, au moins. Oui, j'espère. Ben, j'imagine que vous dormez en ce moment si vous y, vous y êtes allé. Mais... À moins votre cadran, vous avez oublié de l'éteindre. Ah, oh, peut-être, au moins. Ça m'arrive, souvent. Hein? Oui, pour vrai? Ouais, la fin de semaine, j'ai oublié d'éteindre mon cadran, fait que des fois, ça me lève à... Mais est-ce que je me suis fait poser la question hier, justement, ouais. Puis je vais pourquoi pas en discuter un petit on peu comme temps, ça en ouais. début d'émission. Est-ce que t'es du genre à garder ton horaire de la semaine, parce qu'on se lève quand même assez tôt, toi et moi? 5h15 dans mon cas, beaucoup trop tôt pour toi, 4h30, je pense, c'est ça? 4h45, c'est incroyable. Temps-ci. Je snooze. Incroyable. Est-ce que t'es du genre à garder un rythme de fin de semaine qui ressemble à ton rythme de semaine? Ça dépend. Il y a des moments où, oui, je peux pas m'en empêcher, ouais. Je me réveille de bonne heure, mais là, de ces temps-ci, ça va quand même bien. Je peux me lever à peut-être 8h30, 9h. OK, ouais. Ce qui est quand même relativement tard. Ouais, quand même. Ouais. Pour nous, en tout cas. Pour nous, c'est ça. Sinon, tôt par rapport à mon horaire estival. Oui, quand en effet. Quand je travaille pas tant, là, non, je me lève très Est-ce tard. Que t'es du style à faire un peu comme moi, puis le dimanche, vraiment t'assurer que tu vas te lever plus de bonne heure pour être capable de te coucher le soir? Je fais le contraire. Hein? Peut-être que je devrais faire comme toi, mais non, j'enlève toutes mes alarmes le dimanche. Pour vrai? J'enlève mon alarme de mon téléphone et de mon cadran. Tu vois, moi, ça, c'est le samedi. Ah, ce serait pas pire, ça. Ouais. J'avoue. Le samedi, je me laisse dormir si j'ai la possibilité de dormir, ouais. Si j'ai pas de contrat ou quoi que ce soit. C'est ça. Puis le dimanche, je me lève de bonne heure pour être capable de dormir la veille. Mais le dimanche, c'est la journée du ménage, j'allais faire mon lavage, fait que je m'épuise en marchant bien longtemps. Mais plus tu te lèves tôt, plus tu peux le faire tôt. T'as bien raison. Là-dessus, mm-hmm. T'as le reste de ta journée. Exactement. Ah, c'est génie, ça. Réfléchis-y. Ça va changer ma vie. Peut-être. Réfléchis-y, easy busy. Réfléchis-y et tu m'en reviendras avec ça. Cool! Merci, Tania. Ça fait plaisir. Petit conseil de même, ça se prend bien le matin, hein? Mais on l'espère, on l'espère. Parlons du plan d'aujourd'hui. Oui. Hein? On a Véronique Mire qui s'en vient tantôt avec sa superbe chronique de la Véroniclopédie. On va apprendre plein de choses avec elle tout à l'heure. Après ça, on a une grosse pointe d'adresse en fin d'émission. Comme mm-hmm. toujours, on va goûter quelque chose. J'ai dit qu'on allait... Mathieu a dit, en fait. Je t'ai fait dire... En écrivant ton texte d'intro, ouais. Qu'on va laisser saigner nos plaies. Qu'est-ce que ça veut ouais, dire? Ouais, je sais pas, c'est un peu dégueulasse, je trouve. Ça avait un lien avec le paper cut des feuilles des pages de Véronique Sionna, de la Véroniclopédie, mais c'est pas nécessairement ça. On mangera pas du papier aujourd'hui. Mm-hmm. Même si c'est du papier avec du ketchup, c'était bon primaire. On goûtera pas ça. Non. Mais on pourrait essayer. Du papier au ketchup au primaire? Ouais, au secondaire. Tu faisais ça? Non, pas moi. OK. Non. Nous, c'était peut-être le quartier, on fumait des cigares de Kleenex dans la cour d'école. J'ai fait ça. Hey, okay. Ça brûlait là-dedans de la gueule. Ben, je sais pas, ça. Je sais pas. C'est ma voix rogue c'est de ça. Radio. Donc, à 9h30, une grosse pointe d'adresse, toujours en fin d'émission, le jeudi. Au travers de tout ça, tu vas nous faire quelques chroniques de Tania is gonna entertain ya. Oui. Qu'est-ce que tu nous réserves? Bien, je vais vous parler un petit peu des bienfaits, parce que, oui, on a discuté du froid, on a discuté du fait qu'il faisait de plus en plus chaud, mm-hmm. mais qu'on est quand même dans la saison hivernale, il va quand même faire froid, je tiens à vous le dire. Mais il y a des bienfaits à tout ça pour votre propre d'autres personnes, sachez-le. Donc, on va en discuter un petit peu. On va discuter aussi encore un peu pour terminer là, ma semaine de santé, ouais. Exactement, d'activité physique, parce que là aussi, on a des bienfaits. Beauté cette fois-ci, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, sachez-le, ça touche les deux. Donc, écoutez. Et on va parler d'intérieur de voiture. Oh! D'intérieur de voiture? Ouais. Le cuir? Non. Non? À cette temps-ci de l'année, parfois, l'intérieur de ta voiture est juré. Ah oui, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Ah, cool! Exact. Donc, deux chroniques de Tania et Jugolin Tutania en deuxième et en troisième heure. Parce que la première heure, ça va être pas mal Véronique Mir tout à l'heure. Et d'autres chroniques au travers de ça. Hein? Mm-hmm. Mais on débute l'émission avec son foutu palmarès dans quelques instants. On va parler de quelqu'un que tu aimes bien et que tu as mentionné le nom. Ah ouais? Hier. J'ai mentionné le nom de quelqu'un hier? Ouais. C'est rare que je parle de gens spécifiques pendant une longue chronique. Ouais. Donc, on va parler d'elle tout à l'heure. D'elle? Mmh. Oh, hey, là, attends, là, tu... Va pas voir. Non, mais tu mets vraiment la... Je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, on écoute une pièce de ponctuation qui s'appelle « Fleurs ». Tout de suite, à Assemblage Requis. De ponctuation, il me semble qu'on l'a pas fait jouer souvent, sinon quasiment jamais cette pièce-là, peut-être une fois. Ouais, c'est pas quelque chose dont je me souvenais. Elle est quand même bonne. Oui. Mm-hmm. Toujours Assemblage Requis, maintenant on va s'établir une liste dans son foutu palmarès. Jusqu'à ce que je tombe sur sa c'est la chronique, on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Tout à l'heure, je t'ai dit comme indice qu'on allait parler d'une personne en particulier dont tu as mentionné le nom plus tôt cette semaine. Est-ce que tu as fini par trouver le nom de la personne? Non. On parle de Betty White. Oh, Betty! Betty! Qui vient de célébrer ses 96 ans. Oui! Ça existe cet âge-là, étrangement. 96, en effet. Hey, Betty. Hey. Betty. Hein? Hein, White. Moi, c'est un jour je veux ressembler à quelqu'un là, rendu à 96 ans, c'est bien Betty White. Tellement, c'est la personne que tout le monde aime. Je pense qu'il n'y a personne qui l'aime pas. Elle est drôle. Elle est drôle. À l'air fine. Sympathique, c'est ça. T'as vu comme grand-maman? Oui. Je suis bien d'accord avec toi. Donc, on va parler en d'elle. En supplément de ceux que t'as déjà. Oui, bien, c'est bien dépendant de combien t'en as. C'est ça, tu remplaces pas les tiens. Ben à moins qu'ils soient morts. Tu l'ajoutes. Oui, donc 15 choses qu'on ne sait pas au sujet de Betty White. Mm-hmm. Hein? La vedette du Mary Tyler Moore Show, des Golden Girls. Non, les Golden les Girls. Les Carré de dames en français. Oui. Golden Girls. Pourri comme changement de nom. Vraiment dégueulasse. Bref, on va célébrer sa vie en commençant, en parlant de son nom. Son nom, c'est vraiment Betty, ce n'est pas Elizabeth. Les filles et les femmes qui s'appellent Betty, habituellement, s'appellent Elizabeth. C'est un raccourci, Betty. Hein? Donc, le 17 janvier 1922, à Oak Park, en Illinois, la future vedette de la télé, Betty Marion White, la seule enfant de Christine Tess, née Chichikis. Chichikis. Christine Chichikis. Kachikis? En tout cas, c'est ça. C'est ça, c'était une femme à la maison, une ménagère, comme on l'appelle des fois. Et son mari était haut placé dans une compagnie d'éclairage de lumière, donc Horace Logan White. Dans son autobiographie If You Ask Me and Of Course You Won't, White expliquait que ses parents l'ont nommé Betty spécifiquement parce qu'ils n'aimaient pas les surnoms, les autres surnoms qui dérivaient du nom Elizabeth. Donc, oubliez les Beth, les Liza, les Ellie. Elle est Betty. C'est bien. Ouais. Je trouve que c'est une bonne idée. Moi aussi, j'aime bien ce nom-là. Betty comme dans Pierre à feu. Ben oui. Aussi, Bertha, en français. Est-ce que tu l'appellerais Bertha Leblanc? Ben, tu vois, quand j'étais jeune, j'écoutais vraiment les pierres à feu en français, ouais. Donc dans ma tête, ça a toujours été Bertha. Oui. Ben, c'est comme moi, je t'ai déjà raconté cette anecdote-là, mais ouais. Quand je regarde How I Met Your Mother, Barney, pour moi, s'appelle Arthur. Parce que dans les pierres à feu, Barney s'appelle Arthur. Oui. Puis Betty s'appelle Bertha. Exact. C'est bizarre. Ah ouais, Arthur, il n'y a pas le même nom. Il y a une connexion dans ma tête qui se fait comme. Ça veut dire Arthur. Ben, Moses. Ben, Moses. Betty White, donc Bertha Leblanc, elle a un record Guinness. De son âge, non. Ça aurait pu, mais non. Dans l'édition 2014 de ce livre des records Guinness, White a reçu le titre de la plus longue carrière télévisuelle ben pour oui. une entertainer femme. C'est sûr, j'en doute pas. Elle a passé plus de 70 ans dans le show business et ça continue encore aujourd'hui. L'année d'avant, Guinness lui avait donné, avait donné un autre prix, celui de Longest TV Career for an Entertainer Male à une personnalité britannique, Bruce Forsyth. Les deux ont débuté leur carrière en même temps, environ en 1939, donc ils sont coude à coude pour le titre. Si c'était pas du fait qu'ils sont séparés par genre. Ouh! Comme à l'ancienne. Hey, c'est malade, ça. Ouais. Sa première apparition télé, tristement, est perdue. Non! Ouais. On l'a vu. C'est plus disponible. Not available. Ouh! Ah, ben ouais. ERA 404, page not found. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, même White ne se rappelle pas du nom de l'émission où elle a fait son début en 1939. Mais en entrevue avec le susmentionné Guinness Book of World Records, elle a raconté cet événement qui a changé sa vie en disant « J'ai dansé lors de l'émission de télé expérimentale. C'était la première sur la côte ouest, au centre-ville de Los Angeles. Elle a porté sa robe de graduation. Et puis le président de l'association étudiante de Beverly Hills High, Harry Bennett, et elle ont dansé le Merry Widow Waltz. Elle se rappelle mais attends, de tous les détails. Harry Bennett, c'est pas le nom qui est utilisé dans Grease pour le gars qui commente la danse? Ben, Colin, c'est très possible. Hey, je suis vraiment pas certaine. Un peu dans quoi? Dans Grease? Ouais. Attends un peu, on va aller voir ça. Je suis vraiment pas certaine. Puis en plus, je pense que c'est pas de Beverly Hills High. Ça se peut très bien. Je trouve pas rapidement comme ça, mais c'est possible. Je vais chercher le casting ouais, pour Grease. C'est un nom quand même intéressant. C'est peut-être même la personne qui joue son propre rôle, finalement. Peut-être. Ensuite, White, oui, est devenue vedette, mais ça a été déraillé un petit peu par la Deuxième Guerre mondiale. Avant d'être populaire à la télé, elle travaillait au théâtre, à la radio et comme modèle. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a mis ses ambitions sur la tablette pour rejoindre l'American Women's Voluntary Services, donc les services volontaires des femmes américaines pendant l'armée, pendant la guerre. Donc, ses journées étaient dévouée complètement à livrer des choses via un camion PX parmi la ville, autour de la ville de Beverly Hills. Mais ses soirées étaient parties, voyons, coudonc, je déparle donc bien le matin. Mais ses soirées, voilà, elle les dansait, hein? Donc elle disait au revoir aux soldats en faisant des petites danses. C'était pas pan à tout ce non, nom-là, c'était bon. Vince Fontaine. Ah, oh, Vince Fontaine! Oui, exactement, joué par Ed Burns, qui a aussi joué dans Les Troupes de Beverly Hills. C'est pour ça que ça m'a mêlé. C'est le mot Beverly Hills. C'est ça, mais t'étais comme pas vraiment proche, mais quand même. Ouais, c'est ça, exactement, mais hein, je connais mes classiques. C'est ça. Ensuite, sa première sitcom, son premier succès, en fait, dans les sitcoms, était au début des années 1950. Elle a co-animé l'émission de Al Jarvis, Hollywood on Television, ce qui a mené White à produire son propre véhicule, donc sa propre émission, Life with Elizabeth. C'est malade. Ben ouais, elle était une très rare productrice féminine. Elle a développé l'émission avec George Tibbles, qui était producteur et auteur. Lui qui a plus tard travaillé sur des émissions bien adorées comme Denis la Malice, Dennis de Menace, Leave It to Beaver et The Monsters. L'émission n'est pas tellement dans les souvenirs de grand monde. Par contre, mais en 1951, ça a mérité à White sa première nomination au Emmy. Elle en a eu 21 pendant sa carrière et elle en a gagné 5. White aime les parades. Entre 1962 et 1971, Betty White a animé la parade du Thanksgiving, donc Macy's Thanksgiving Day Parade sur NBC, avec Lorne Greene de l'émission Bonanza. Mais ce n'est pas tout. Pendant 20 ans, entre 1956 et 1976, elle était aussi commentatrice pour le tournoi, pour la parade du Tournoi des Roses, la Tournament of Roses Parade, aussi sur NBC. Elle est devenue de plus en plus connue sur CBS avec The Mary Tyler Moore Show. Donc NBC a décidé de retirer White de l'animation, bien sûr, parce que ça donnait de la promotion pour CBS. Quand même. Donc, c'est une décision qui était très difficile à comprendre pour White, qui a dit à People qu'à la maison, qu'elle restait à la maison pendant le nouvel an, elle se sentait toute seule, alors que quelqu'un d'autre faisait la parade. Ah, oh, c'est triste! Vraiment pas le fun. Pauvre Betty! Pauvre Betty. Donnez tout à Betty. Ouais. Elle a été mariée 3 fois, c'était dite bon, Betty White. Tu vois, si Betty s'est mariée 3 fois. C'est correct. That's it, tout le monde a le droit de se remarquer. Le président américain peut tromper sa femme puis payer 130 quelques millions de dollars. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'on a le droit de se marier plus qu'une fois. 130 000, je pense. Bref, White et son premier mari, Dick Barker, hein, comme on appelle Richard Japper, étaient mariés et se sont divorcés la même année, en 1945. Après 4 mois, donc sur la ferme de poulets de l'Ohio de M. Barker, White est retourné à Los Angeles et sa carrière en tant qu'entertainer. Peu de temps après, elle a rencontré l'agent Lane Allen, qui est devenu son mari en 1947 et son ex-mari en 1949, après qu'il l'ait poussé à lâcher le show business. Ah oh ben, Moses! Hey, hein? Hey, on n'a pas de Betty White! Ah, oh, les hommes qui ont de la difficulté avec les femmes qui ont du succès. Imagine, pas de Betty White. Hey, pas de Betty White. Notre vie serait terrible. Gâchée. Elle s'est remariée seulement en 1963 après être tombée en amour pour un veuf et père de 3 enfants et animateur de jeux télévisés, Alan Ludden, qui a participé à beaucoup de jeux télévisés dans le temps. Oui. Et encore aujourd'hui, encore, je pense qu'elle fait Tutor the Truth encore de temps en temps. Et, quoi d'autre, Match Game, il me semble. Donc, son mari numéro 3, elle l'a rencontré justement à un jeu télévisé qui s'appelle Password. OK. On l'appelait Bubbly Betty pour sa personnalité. Elle était très régulièrement sur le circuit des jeux télévisés. Elle a rencontré son match, comme on l'appelle, en 1961, alors qu'elle était vedette invitée à l'émission Password, animée par Alan Ludden. White, au départ, a refusé la bague de fiançailles de Ludden. Ouais. Il l'a portée lui-même autour de son cou jusqu'à ce qu'elle change d'idée. Hein? C'est cute, hein? C'est malade. Ouais. La paire est restée ensemble jusqu'à sa mort à lui en 1981. Et aujourd'hui, leurs étoiles sur l'Hollywood Walk of Fame sont côte à côte. Oh! Ah, que c'est cute. C'est vraiment mignon. On parle toujours de Betty White, qui à l'origine a auditionné pour le rôle de Blanche dans The Golden Girls, qui n'est pas le rôle qu'elle a joué finalement. Ben non. Les producteurs de la série croyaient que White était parfaite pour le rôle de la party girl, hein, avec un petit peu de promiscuité, comme on appelle, parce qu'elle avait joué Suan Nevins, qui avait le même genre de casting dans The Mary Tyler Moore Show. Pendant ce temps-là, il voyait Rue McClanahan pour le rôle de la femme de la campagne Rose Nyland, parce qu'elle avait travaillé sous le nom de Vivian Harmon dans la série Maude. Mais le réalisateur Jay Sandrich, lui, voulait pas faire de typecasting, voulait pas donner des rôles trop ben, pareil comme les anciens, oui. Ouais. Exactement. Donc, il a demandé aux deux d'échanger leur rôle pendant l'audition. Quelle bonne idée. Et juste comme ça, snap, clack, that's it. Pop, les Golden Girls ont son nez. Ben oui. S'il n'avait pas été actrice, Betty White, elle aurait été gardienne de zoo. Ouais, elle a dit ça en 2014 en entrevue. Quand même, sa réputation comme une amoureuse des animaux et activiste, ou comment t'appelles ça? Oui, activiste. Ben, je pense pas que ça se dit, peut-être. Ben oui, ça se dit activiste pour les animaux. Ouais. Un activiste, c'est quelqu'un qui va prendre... Le mot en français se dit. Ah ben. Oui. Je sais pas. Bref, non seulement est-ce qu'elle essaie de visiter les zoos locaux quand elle voyage, mais elle est aussi membre du Farm Animal Reform Movement et du groupe Friends of Animals, ainsi que membre du conseil d'administration du Los Angeles Zoo, qui a donné des dizaines de milliers de dollars depuis les 40 dernières années aux œuvres de bienfaisance animalière. En 2010, White a parti une ligne de t-shirts dont les profits vont à la Morris Animal Foundation. Donc vraiment, un travail fort pour les animaux. Elle n'a pas fait le film As Good As It Gets, justement à cause d'une scène de cruauté animalière. Mmh. White s'est fait offrir le rôle de Beverly Connelly, donc la mère du personnage de Helen Hunt, dans le film gagnant d'un Oscar As Good As It Gets. Mais elle trouvait ça horrible, la scène où Jack Nicholson, ou son héros un petit peu grognon, là, ouais, lance un petit chien dans une chute à déchets dans son bloc appartement. Ouais. Comme ça, quelque chose du genre. Ça me dit quelque chose. Donc, à l'émission The Joy Behar Show, elle a expliqué que tout ce qu'elle pensait, c'était que les gens allaient voir ça, puis que si un chien jappe ou est pas gentil, ben ils vont faire ça eux-mêmes. Ah ouais. Tu sais, tu comprends. Donc, elle s'est plaint au réalisateur James L. Brooks en espérant que la scène soit coupée, mais non. Il a décidé de la garder et il a choisi Shirley Knight dans ce rôle. Une campagne Facebook a fait d'elle, Betty White, la plus vieille animatrice de Saturday Night Live à vie. Tu te rappelles peut-être? Malade, ben oui. C'était en 2010, donc un groupe Facebook nommé Betty White to host SNL, please, a rassemblé plusieurs fans, en fait presque 1 million et tellement d'attention médiatique que le producteur exécutif de SNL, Lorne Michaels, était très heureux de s'arranger pour que ça fonctionne. Donc elle avait 88 ans à l'époque et elle a donc installé un nouveau record et son épisode pour lequel plusieurs des vedettes du passé, des vedettes femmes de l'émission, sont revenu. Il y a eu plein de super bonnes critiques et ça a donné la meilleure cote d'écoute à l'émission en 18 mois. Ça lui a gagné son 5e Emmy pour cette performance-là à SNL. T'imagines? En 2010, j'ai l'impression que c'était l'année passée. C'est merveilleux. Ouais. C'est la plus vieille personne à avoir mérité justement une nomination aux Emmy Awards. En 2014, White a mérité sa 21e nomination au Emmy et sa 3e de suite pour Outstanding Host for Reality or Reality Competition Program, donc une émission de réalité ou de compétition réalité, pour son émission qu'on connaît en français sous le nom des... avec les vieux, là. Les Détestables. Ah oui, OK, ouais. C'est ça, mais son émission américaine, la même chose, mais américaine, ça s'appelle Betty White's Off Their Rockers. Elle avait 92 ans à l'époque. Elle a aussi le record, pour la plus longue distance entre deux nominations au Emmy, donc le temps passé entre les deux. Sa première était en 1951 et sa dernière, donc en 2014. Wow. La plus récente. Elle aime beaucoup le junk food, Betty White. Oh, on l'aime déjà plus encore. La clé pour vieillir avec grâce n'a rien à voir avec la nourriture santé en ce qui concerne Betty White. En 2011, sa co-vedette dans la sitcom Hot in Cleveland, Jane Leaves, a parlé des habitudes alimentaires de White. Elle mange des bonbons, des jujubes, des hot dogs, des frites et du Coke Diet. Quand même, elle a blagué en disant que c'est peut-être à cause des agents de conservation dans sa nourriture qu'elle se conserve aussi bien. Quelle bonne blague. Ouais. Elle mange beaucoup de réglisse rouge apparemment aussi, Betty White. Malade. Ça, là, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qu'on voit plus nécessairement. Non. Mais les personnes âgées adorent la réglisse rouge. Oui, les Peppermans et la réglisse rouge. Ben, d'après moi, je suis une mamie sans le savoir. Ça a l'air à ça, oui. La réglisse rouge, là, ben... j'allais chez ma grand-mère avait tout à de la réglisse. Ouais. J'allais chez mon autre grand-mère, ma grand-mère avait tout à un sac de réglisse. Et toujours de la rouge, parce que la noire, il y a comme pas grand monde qui aime ça. Ouais, non, moi, la Et elle aime beaucoup, pour terminer sur la liste de Betty White, elle aime beaucoup Robert Redford. Oui. Ouais. La question qu'on lui a demandé, qu'est-ce que t'as pas fait dans le show business que t'as toujours voulu faire? Faire, hein? Et là, faire. Elle répond Robert Redford. Me ben faire oui. Robert Redford, bien sûr. Hein? Elle a plus de 110 crédits au générique de films et d'émissions de télé dans sa carrière, mais White n'a jamais travaillé avec Robert Redford, qui a 14 ans de moins qu'elle. Oh! C'est une cougar! C'est une cougar! Wow! Incroyable! Génial! Donc, Betty White, pour son 96e anniversaire, je lui ai offert cette petite liste via Mental Floss. T'es si gentil. Ça me fait plaisir. Et on continue dans le même domaine, en fait, mais en fait, pas du tout. Non? Non, ça y a aucun lien à voir avec ça. Aucun lien à voir avec cette liste de gens qui sont morts lors de leur anniversaire. Ah, mon Dieu, c'est donc bien. Rien à voir. Rien, vraiment rien à voir, là. Ça s'appelle The Birthday Effect. C'est un phénomène statistique qui indique donc que les chances de mourir autour de ta fête sont plus élevées que d'autres dates. Une étude suisse de 2012 met vos chances de quitter le monde le même jour que vous êtes entré dans ce monde à de 14% de plus, pardon. Mais il y a quand même pas tant d'exemples, donc vous allez voir qu'on connaîtra peut-être pas grand monde. OK. Là-dedans. On commence avec Ingrid Bergman, gagnante d'Oscar pour Casablanca. Ben ouais. Hein? Elle est née le 29 août 1915 à Stockholm, en Suède. Elle est morte 67 ans plus tard, en 1982, à Londres, après une bataille contre le cancer du sein. Mais sa cause officielle de la mort était les complications d'un lymphome qui est arrivé après une opération pour le cancer du sein. Ensuite, William Shakespeare, blibob. Oh! William Shakespeare, hein, qui aurait pu écrire un poème là-dessus, probablement, parce que sa date de naissance est la même que sa date de mort. Donc, il est né le 23 avril 1564 et mort la même date en 1616, à l'âge de 52 ans. La cause de sa mort est inconnue, mais apparemment qu'il était très en forme et en parfaite santé quelques semaines avant sa mort, selon le journal intime de John Ward. Voilà. Ensuite, Walter Diemer, l'inventeur de la gomme ballon. Oh, OK. Walter Diemer. Donc, il est mort à son 93e anniversaire, le 8 janvier 1998. Betty, mais pas Betty White, Betty Friedan. Friedan? Qui est-elle? Autrice, auteur du Feminine Mystique. C'est okay. Un livre qui est né donc le 4 février 1921, morte le même jour en 2006. Elle est morte donc de problèmes cardiaques chez elle à Washington D.C. à son 85e anniversaire. Ben peut-être qu'à un certain moment dans ta vie, tu te dis « Oh non, je gagne une année de plus, ça te stresse. » Puis là, ça se peut, crise cardiaque. Ça se peut. Ça a du sens, tout ça. Ouais. Ensuite... OK. Non, mais c'est vrai. Ensuite, George Machine Gun Kelly. OK. Ouais, c'est un gangster. Ouais. George Machine Gun Kelly, qui est mort de l'attaque cardiaque. Non, on parle pas du rapper, là, Machine Gun Kelly. On parle non? de George Machine Gun Kelly. Je connais pas. Hein? Ouais. Bref, il est mort de l'attaque cardiaque à 59 ans. Il est mort à sa fête le 17 juillet 1954. Il était incarcéré à Leavenworth, une prison donc à ce moment-là. Levi P. Morton est le prochain à être mort à sa fête. C'était le vice-président du président Benjamin Harrison. Il est mort d'une pneumonie à son 96e anniversaire le 16 mai 1920. Il a vécu plus longtemps que son patron pendant presque 20 ans. C'est dommage triste. Ouais. Ensuite, Johnny Langdon est mort à sa fête. C'est un jockey. Ouais. Les chevaux, là. Oui, ben oui. Qui a gagné le Kentucky Derby, ouais. Le Preakness et les Belmont Stakes en se promenant sur son cheval Count Fleet en 1943. Il est mort, en fait, il est né et mort à la Saint-Valentin. Ah! En 1907 et en 2003. Mon Dieu. Tout un événement. Ensuite, Sidney Bechet, ou Bechet. Un musicien. Un musicien, absolument. Donc, un petit peu moins connu que Louis Armstrong, mais c'est un saxophoniste de jazz, un clarinettiste et un compositeur. Donc, il est allé dans les studios d'enregistrement quelques mois avant Armstrong, quand même. Mais il avait un tempérament qui n'a pas aidé sa carrière du tout. C'était pas avant la fin des années 40 qu'il a été un petit peu reconnu pour ce qu'il avait accompli. Heureusement, il a vécu assez longtemps pour voir son succès. Il est mort à Garches, en France, en 1959, le 14 mai, à son 62e anniversaire. On continue avec Ella Baker. Ella Baker, qui était activiste. Oui. Hein? Qui a travaillé avec plein de leaders des droits civiques, au 20e siècle, dont Martin Luther King Jr., dont c'était la journée commémorative récemment, dans les derniers jours, W.E.B. Du Bois et Thurgood Marshall. Elle est née en Virginie en 1903, le 13 décembre. Elle est décédée le même jour, 83 ans plus tard, en 1986. Ensuite, Kamehameha V, le roi d'Hawaï, donc V comme 5, j'imagine. Kamehameha V, roi d'Hawaï, qui est mort à son 42e anniversaire le 11 décembre 1872. Alan Jury, romancier, qui a gagné le prix Pulitzer en 1959 pour son roman politique Advice and Consent, basé en partie sur l'histoire vraie du scandale et du suicide du sénateur Lester Hunt, donc est mort à son 80e anniversaire le 2 septembre 1998. Ensuite, Swede Riseberg, c'est notre dernier sur la liste des gens qui sont morts à leur anniversaire. Swede Riseberg, dont le nom est devenu synonyme avec le scandale des Black Sox en 1919. J'imagine que les sportifs sont au courant. Donc, il est mort le 13 octobre 1975 lors de son 81e anniversaire. Wow, quand même! Pas pire, hein? Ça n'a rien à voir avec Betty White. Mais non, du tout. Mais on parle de personnes... Mais non, elle est encore en vie, elle est pimpante. Et si elle meurt... On va tous être tristes. On va tous être vraiment tristes. On veut pas que ça arrive. Mais non. Voilà pour son foutu palmarès. On prend une pause au retour. Véronique Mire va être avec nous pour sa chronique de la Véroniclopédie. Véronique Mire, de quoi tu nous parles en quelques instants? Allô? Hello! J'étais à quelques secondes près de t'avoir. Quand même, très bon. Qu'est-ce qui s'en vient? Comment brûler, étonnamment? Des activités quotidiennes étonnamment brûlantes. Oh! OK. Comment faire une première impression du tonnerre? OK. D'accord. Également, qu'est-ce qu'on veut dire par « le diable est aux vaches»? Ben oui. Ouais, le diable est aux vaches. Il y a les mixés. On sera au retour dans la Véroniclopédie avec Véronique Mire. Restez là. Vous êtes toujours dans l'émission matinale Assemblage Requis, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baud. Tu vois, j'avais oublié que c'était nous qui ouvrions avec cette merveilleuse musique. Le moins souvent possible. Non, le moins souvent possible. T'as bien raison. Mais je pense que Véronique l'aime bien, elle avait l'air d'être dedans quand même. Ben oui, moi je trouve que c'est comme pété matinal. C'est comme une parodie d'une chanson thème. C'est ça. Ah, ok. On va dire ça. C'est fait pour être mauvais. Exactement. Hein? On s'est pas forcé plus qu'il faut. Hein? Et non. Donc, c'est Véronique Mire qu'on accueille. La voici. Avec la première de 2018. La première, oui, Véronique Loupédie. Bienvenue à toi pour la Véronique-lopédie encore. Ouais. De retour après une longue absence quand même parce que l'émission était en congé pendant les fêtes et je pense que ta chronique était une semaine avant la fin et là tu recommences une semaine après le début. Exact, on était dans le potluck en fait dans c'est ma chronique. Mmh. Donc, ben, tu sais, ça m'a fait plaisir quand même que ça tombe sur le potluck. On a du plaisir ensemble. Et oui. Oui. Exactement. T'as remarqué le papier de toilette en studio. J'imagine que ouais. Les rhumes sont fréquents. Ça doit être ça. Et que les gens veulent pas s'acheter. J'aurais pas dû y toucher. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je crois pas que celui-là été utilisé, là, par exemple. Je pense que c'est correct. Moi, quelqu'un sur le mouche et le remettre sur le rouleau. Oui, exactement, après. C'est ça. C'est un petit peu bizarre. Hein? Ah, ouais, yak. Donc, la Véronique Lopédie, c'est la chronique où on se renseigne sur plein de sujets les plus hétéroclites possibles. Ouais. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Alors, commençons par des activités étonnamment brûlantes. Brûlante. Alors, oui, brûlantes au niveau des calories, parce que en cette période de janvier, on est beaucoup dans les résolutions du nouvel an. Et on constate, en tout cas moi au gym où je vais, c'est toujours pareil en janvier, personne n'a hâte, parce que là tu sais que tu vas arriver puis tu pourras pas faire tes affaires parce que plein de monde ne savent pas quoi faire puis qu'il y a du monde partout. Mais c'est pas grave, dans le fond, faut les féliciter d'être là. C'est oui. Aussi. Ouais. Donc, en fait, je me suis attardée ou intéressée à comment brûler autrement qu'en faisant du sport. Ouais. En marchant sur des cendres. Ben, attends un peu. Pas brûler de même, Mathieu. Non, pas brûler comme ça. Okay. Donc, des activités qu'on peut faire au quotidien. Donc, mm-hmm. Des trucs qu'on a à faire de toute façon. Alors, si on pense à plutôt des tâches ou des choses qu'on t'a amené à faire pendant l'année. C'est pas Tania qui fumait des mouchoirs au primaire, c'est ça? C'est arrivé une fois dans ma vie. Okay. Donc, à votre avis... dans les tâches qu'on a à faire à la maison et tout ça, si vous pouviez m'en nommer deux, trois que vous pensez qui sont plus exigeantes que d'autres. Le ménage. Ouais, l'aspirateur. Mais comme quoi, entre autres, parce que le ménage, il y a plein de tâches à faire dans le ménage. Ça dépend ce que tu fais. Laver le bain. Ouais. Ah, toi, t'irais avec ça. Ouais. Moi, j'irais avec mettre et, tu sais, comme faire et défaire ton lave-vaisselle. Ah! Fais des abdos. Ah, pas fou ça, okay, ouais. Okay. Pas pire ça. OK. D'autres choses qui vous viennent à l'esprit? Passer le Swiffer, tu sais, récurer les petites taches sur le plancher. Ben, les poussages, là, ouais. Les poussages, laver le plancher. OK, intéressant. Donc, en fait, les informations que je vais vous donner, c'est 10 activités par ordre. Donc, celle qui brûle le plus en premier à celle qui brûle le moins. Un petit extra croustillant. C'est basé sur une personne de 150 livres, donc une personne qui a un poids un peu plus élevé, ben ça brûle encore plus. OK. On dit que pour perdre 1 kilo de poids, de façon générale, il faut brûler 9000 calories, ce qui équivaut à peu près 500 calories par jour, une heure de jogging léger. Mm-hmm. Donc, je vais vous donner d'autres options. OK. Il y a mieux. Ben, celle-là, on la fait normalement une fois par année, ou en tout cas, on se croise les doigts pour la faire juste une fois par année, déménager. Déménager. Puis c'est toutes des activités... Mathieu est un habitué du déménagement. Ça va recommencer encore, je pense, en juillet. Toutes des activités qui sont faites pendant juste 30 minutes. Donc, 30 minutes, qu'est-ce que ça brûle? Donc, 30 minutes de déménagement seulement? Tu déménages ça vite, là? Ouais, ben, par tranche de 30 minutes. OK. Donc, déménager pendant 30 minutes fait brûler 252 calories. Donc, on est déjà à la moitié de l'activité de tantôt, de l'heure de jogging léger. Mm-hmm. En demi-heure de déménagement, tu sais, quand même. nettoyer le quartier, tu sais, se promener, là, puis nettoyer toutes les gugus qu'il y a à terre, balayer les rues et tout ça. Ah, OK. Ah oui, fait ça couramment. Qui peut être une tâche qu'on fait une fois de temps en temps. Peut-être. Ou nettoyer notre cour, tu sais. Ouais, oui, ouais, okay, aussi. Ouais, la cour. Passer le râteau. On est quand proche. Quand t'as une cour. 225 calories avec ça. Pelleter. Oh, ben ça. Oui, ben oui, ben oui, mon Dieu. On est en plein dedans. Hein, il y en a qui font ça comme job, je peux pas croire. De pelleter? Oui, c'est d'être épuisant à mort. Ben, comme une job de jeune étudiant au secondaire, ah, mettons. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. C'est donc, comme faire le gazon l'été, ouais. Là. Il y en a qui font ça. Comme fumer les mouchoirs. Lâche-moi avec mes mouchoirs. Donc, 202,5 calories. Alors, ceux qui vivent dans la chaleur, malheureusement, eux autres, ils n'ont pas cette joie-là. Ah, hein, non, pas besoin. Faire ça. Mais ça, hey, ça travaille les abdos, là, mais honnêtement, oui. Surtout si la neige est lourde. Ah oui, puis ça travaille vraiment le dos beaucoup si tu ne penses pas à plier tes genoux ouais, et à lancer la neige vers l'avant et non sur le côté. Mm-hmm. Alors, faites attention à ça. Peindre les murs. Ah, okay. De la maison ou de l'appartement, 171 calories en une demi-heure. Fait que c'est, et puis, c'est, s'il fait très chaud, encore plus. Mais il dit, si au rouleau ou au pinceau? Peindre de façon générale. OK, OK. Ouais. Tondre le gazon, on en a parlé. Ouais. Donc, tondre le gazon pelleté, ça, c'est quand même moins exigeant que pelleté. 162 calories. C'est bien. Puis, jardiner entre là-dedans aussi. Jardiner? Oui. C'est tellement relax. Mais ça dépend, dépendant de ce que tu fais. Ouais, faut tes plantes, ouais. Faut que tu te lèves, t'ailles chercher le plat. Mm-hmm. Pense-y. Quand même. Mathieu, t'as parlé tantôt de mopage. Oui. Ou de nettoyer écurie le plancher. Alors ça, c'est 153 calories en 30 minutes. Quand même. Faire l'épicerie, simplement déplacer le panier d'une allée à l'autre. Là, on tombe dans les plus petites un peu. Là. Ah, j'avoue, éviter les gens parce que les rangées sont pas assez larges. Puis ouais. 121,5 calories en 30 minutes. Oh, quand même. Ouais, tu sais, puis dépendant aussi des produits que tu prends. Tu sais, moi, j'achète des 18 litres d'eau là, pour ma fontaine à eau. Là, ben, montez ça chez nous. Là. Je me dis tout le temps, ouais, beau spectacle. Mm-hmm. Épousseter pendant 30 minutes. Mm-hmm. Okay. C'est pas si exigeant. Là, on tombe vraiment dans les moins 100. Là, 80 calories pour celui-là. Repasser. Ah bon. Ouais? C'est chill. C'est proche d'épousseter. Tu fais juste un bras. C'est ça. Oublie pas de changer de bord. Alors, on est proche de la quantité d'époussetage, 76,5 pour celui-là. Et le dernier qui est un peu de pair avec le repassage, quoique normalement, ce qu'on repasse, on devrait pas le plier, plier du linge. 72 calories en 30 minutes. Il faut que tu en plies du linge pour prendre 30 minutes c'est à plier dessus. Hein? Moi, j'ai mis sur des sports, fait que je plie pas mon linge. C'est le gars, il se chronomètre, genre, il est comme « OK, go! » 30 minutes. Ah. T'habites dans un bloc à part puis tu loues tes services. Moi, le samedi matin, là, amenez-moi votre linge, je vais tout vous plier. Tout vous plier ça. L'entraînement du gars. Hey, ça ressemblait à garder clan, ton affaire. Ouais, ben, pour finir, un petit bonus, parce que ça, c'est agréable, embrasser quelqu'un pendant 30 minutes. Ah. Mais c'est pas beaucoup, par exemple, 36 calories. Ah. Mais quand même, tu te fais une mâchoire. C'est ça. Et 30 bonnes calories. C'est ça. 30 calories. C'est quelqu'un qui s'est tenté de perdre des calories. Juste dans le menton. Juste dans le menton. Ben, tu sais, le double menton. C'est ça. Non, quand même. OK, alors voilà pour le premier sujet. Comme ça, des activités du quotidien, plutôt qu'aller au gym, qui font brûler beaucoup. Alors, n'oubliez pas, si vous avez un déménagement qui s'en vient, ça, c'est très gagnant. Si vous avez à peindre les murs de la maison, peut-être quelque chose que vous pourriez faire chez vous. Vous pouvez combiner tout ça aussi. Oui, pelleter. Si vous avez l'occasion d'aller pelleter 30 minutes, c'est très payant. Pelletez votre épicerie. Le pelletage, là, en passant, faites attention au niveau du cardio. Hein. Il y a des personnes qui savent pas qu'ils sont cardiaques. Ah, qui pètent. Tout dépendant de votre âge, là. Mm-hmm. Faites attention. Faut pas trop se donner, faire ça, super vite pour s'en débarrasser. Là, ouais. Exactement. Il y a beaucoup d'histoires là-dessus. C'est assez terrible. Autre sujet. Alors, j'ai parlé de faire une impression du tonnerre. Oui. Donc, j'ai trouvé dans la revue Entrepreneurs. Ah, ouais. Je pensais que c'était cool. Cool. Non. De l'automne 2017. 4 compétences pour donner une bonne première impression, ça de façon générale, que ce soit en entrevue, lors d'une première rencontre avec quelqu'un qu'on... OK, une date. Une date, ça donc, peut premier être conseil, c'est premier contact avec un employeur. Ouais. Donc, vraiment de façon générale. Donc, okay. Acheter une cartouche d'encre, c'est ça? Pour faire une bonne première impression. Ouais. Bon. Non? C'est ça. Il faut que tu fasses le test aussi de l'imprimante après ça. C'est ça. On est en manque, c'est pour ça que c'est ça. Je suis vraiment en manque d'encre. Ah, je vois ça. Non. En alors, manque. 4 compétences pour donner une bonne première impression, c'est tiré du livre ou adapté du livre Captivate de Vanessa Van Edwards, qui est une entrepreneure américaine qui s'est beaucoup attardée à ça. Comment faire une bonne première impression? Tout ça part la prémisse de, en 1992, il y a deux chercheurs à Harvard qui ont testé le pouvoir de la première impression auprès d'étudiants en allant valider dès le début de la session, en regardant des petites vidéos de 10 secondes où il n'y avait pas de son, donc ils ne faisaient que voir l'enseignant, un des enseignants qui était pour avoir pendant toute la session. L'évaluer au niveau de qu'est-ce qu'il jugeait que son efficacité en tant qu'enseignant serait selon 15 dimensions, seulement avec une vidéo de 10 secondes. Mais est-ce que la personne dans la vidéo bougeait ou elle était juste là comme non, ça? Non-verbal, évaluait seulement le non-verbal. Okay. Donc, c'est quand même une capsule qui était beaucoup représentative là, de qu'est-ce que l'enseignant pouvait faire, mais sans l'entendre. Alors, ils se sont rendus compte que très rapidement, les étudiants, en 10 secondes seulement, avaient une idée très... forte de la personne, en fait, une impression là, quelconque, là, qu'elle soit positive ou négative, seulement après 10 secondes de vidéo, seulement du non-verbal. Alors, ils se sont dit, est-ce que ça donnerait la même chose si on coupait la durée de la vidéo pour voir si la première impression se fait si rapidement? À 5 secondes? Ils ont coupé à 5, ils ont coupé à 2 également, et l'impression était la même. Ben voyons les gens étaient capables d'interpréter plein d'affaires juste en ayant vu 5 secondes, 2 secondes de vidéo. Pas juste sur le coup, aussi en y réfléchissant par après. Donc, le pouvoir de la première impression est très important. On juge très rapidement, donc à peine 2 secondes. Et on ajuste rarement notre première impression, même si on a d'autres informations par la suite. Parce que rarement, ça ne veut pas dire qu'on ajuste jamais. Parce que les étudiants ont été... rencontrer de nouveau à la fin de la session pour voir si leur impression avait changé en cours de session. Et c'était très rare les cas où ça avait changé. Donc, il y avait raison dès le départ. Donc, se dire qu'il faut se fier à notre première impression. C'est ça. Bien, rarement. Ton instinct. On dit rarement, on dit ça peut changer. Donc, ça veut dire que sur le portail de l'UQTR, les profs devraient avoir un GIF animé à côté de leur nom. Exactement. Puis oui, tu choisis ton cours en fonction de la page. 2 secondes. De ce que tu vois. Il faut que ça soit un bon moment quand même. Là, un GIF représentatif. Là. C'est plus fiable que de demander sur Spotted. Tu es professeur, tu On voit ça beaucoup. Alors, selon vous, le but de l'article, c'était de montrer 4 compétences pour donner une bonne première impression. Ouais. Donc, Vanessa Van Edwards, elle en a ciblé 4. Encore la guerre des clans. Mets 4 compétences qui peuvent être bonnes pour donner une première impression. Là, peut-être pas, nommez-moi-en peut-être pas 4 chaque, parce que là... Le sourire. T'as buzzé avant moi? Oui. OK, sourire. La posture. La posture. Le mouvement des bras. Le mouvement. Et une dernière. Oui, la gesticulée. Ouais. Une dernière. Le regard. Le regard. Ah ben, vous êtes pas mal proche. Excellent. On peut ranger les buzzers, excellent. Les étudiants comme. Oui, quand même. Donc, c'est sûr que là, vous allez voir, c'est des choses qu'on connaît, mais pourquoi, en fait? C'est ça qui est intéressant. Donc, la première, selon elle, c'est utiliser les mains ou gesticuler. Donc, vous en avez parlé. Wouhou! On a 2 gagnants ici. Alors, pour voir ça, pourquoi ça pourrait être ça, c'est tout appuyé. Donc, 100 d'heures de TED Talk ont été étudiées afin de voir c'est quoi les différences entre ceux qui étaient les plus ou les moins populaires. Mm-hmm. Alors, on a observé plusieurs choses au niveau du non-verbal, parce que c'est le but, c'est d'observer la première impression non-verbale. Mouvement des mains, changement de ton, sourire, mouvement du corps. Donc, les plus populaires sont ceux qui gesticulaient. Ben oui. Ouais. Donc, ils sont qui plates, les TED Talks, qui ou qui est seul planté ou en plein milieu, puis ils bougent pas. C'est que ça te fait porter attention, ça te garde éveillé parce que t'as quelque chose à regarder. Et en fait, c'est surtout que ça semble donner davantage confiance à l'audience. Ah. C'est surtout pour ça qu'on dit que gesticuler, bouger, c'est intéressant. Donc, fait que le TED Talk du gars qui est amputé les 4 membres... Mais c'est parce que je pense que quand tu gesticules, ça fait en sorte que... Attendez, là, je vais vous développer ça, là. OK. Tu vas trop loin, Tania. Excusez. Les plus populaires, et je vais vous revenir à la fin là, sur les TED Talks, parce qu'il y en a 3 super talkers là, qui ont été identifiés. Je vais vous en reparler à la fin. Eux autres, c'est quoi qu'ils ont fait comme TED Talk ou qu'est-ce qu'ils font? Les plus populaires avaient 465 mouvements des mains en moyenne. Wow! Les moins populaires... Combien de temps? Ben, normalement, c'est des 8 à 10 minutes. C'est quand même assez court. Imagine en une demi-heure le nombre de calories qui auraient brûlé. Et là, là! Fais du bras. Fais du bras. Les moins populaires, 272. Et les super talks, là, ou les superstars des TED Talks, avaient environ 600 mouvements des mains en seulement 18 minutes, en fait. Donc, pas 8, là. Il manque un 10 de plus. Alors, ce n'est pas que spécifique au TED Talk parce qu'il y a 30 ans, on avait aussi observé ça chez l'employabilité des gens en entrevue, donc en embauche. Pourquoi les mouvements des mains montrent... pourquoi c'est important? Bon, vas-y, Tania. Ben non, mais selon moi, c'est parce que t'as l'air de quelqu'un qui sait son sujet quand tu gesticules. Ah oui? Okay. C'est comme aller chercher ton information. Mettons, je sais pas si tu comprends ce que ouais, je veux dire. Ou sinon, c'est peut-être parce que t'as l'air italien et les gens aiment les pâtes. Non, mais gars, tu vois, tu sais, tu parles de même, tu gesticules, mais quelqu'un qui parle comme ça, là, il a juste l'air recroquevillé sur lui, puis il sait pas trop quoi dire. Oui, il a l'air amorphe. Exactement. Oui, je suis d'accord. Il a pas l'air sûr de lui. Ben, en fait, c'est parce que ça montre l'intention. Ça montre pourquoi t'es là, ça montre que t'as des bonnes intentions, le fait de gesticuler. Je vais vous expliquer la théorie de la chose. Je peux gesticuler et avoir de mauvaises intentions, je peux vous l'assurer. Ah, crois-moi. Non, mais pas des bonnes intentions, ça montre ton intention. OK. Tout court. Ça veut pas dire que t'en es une bonne. OK, c'est bon. Donc, on pense aux hommes préhistoriques. Hein? Tout ça, ça revient tout le temps des espèces de mécanismes qu'on a là, dans notre tête. Alors, dans le temps de la préhistoire, quand il y avait un inconnu qui s'approchait, comme le vocabulaire, c'était plutôt et compagnie, ben la façon de savoir s'il était mal ou bien intentionné, c'était de regarder s'il y a quelque chose dans ses mains, tu sais, une roche, une lance, comment qu'il bouge, est-ce qu'il s'en vient en position avec les poings fermés, comment il est placé. Donc, est-ce qu'il y a une position par rapport à ses mains aussi qui, et à ses bras qui montre qu'il est mal intentionné. Alors, plus ça se rapprochait, plus on était capable d'évaluer ça. Bon, aujourd'hui, il y a moins de risques de ce genre, quoique dans les bars, ça pourrait peut-être arriver ou ailleurs en cas de bataille, mais le mécanisme de survie persisterait. Alors, quand une personne voit nos mains, elle se sent plus à l'aise et a tendance à avoir des intentions amicales à notre égard. Ah ouais. Donc, de voir les mains, il faut éviter de garder nos mains dans nos poches, c'est sûr, pour donner une bonne première impression. J'ai frette. Ne pas non plus laisser un bureau, un sac, un cellulaire, un ordinateur entre nous et la personne qui a nos mains. Ou une fois de temps en temps, lever les mains dans les airs, en tout cas, on suggère ça. Hold up! Surtout, ne jamais sauter une poignée de main. Très important. Ben, en fait, ça dépend du contexte. Là. Ouais. Mais si vous êtes en employabilité, vous rencontrez quelqu'un sans que ce soit une date, là, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, une poignée de main. La main à sa date. Enchanté! Donc, poignée de main, pourquoi? Parce que le contact peau à peau dégage de l'ocytocine. Donc, l'ocytocine qui est l'hormone de la connexion. Okay. Qui favorise la confiance. Donc, très important. Ce qu'on n'a pas avec le coup de coude ou le coup de... C'est ça. Contact peau à peau. Donc, autant que possible, tenez-vous-en la main. Okay. Premier contact, tu sais. Est-ce qu'on devrait faire ça, une première date? Serrer la main avant de donner deux becs? Ben, contact peau à peau des deux becs est bon. Ah, OK. Une petite tape dans le dos. Ben oui, salut, mon chum! Une bine. T'as soin qu'on se faudrait que tu lui dises, relève ton chandail, parce qu'il faut que ta main touche à la peau. Ouais. Fait que c'est un peu weird. On sait pas, il y a des dates en chest. Passe ta main dans le visage, là. Ouais. Ça va faire une belle première. D'en face, bleu. Donc ça, c'était seulement que le premier des quatre. Donc, gesticuler, avoir les mains bien visibles. Le deuxième, c'est d'avoir une posture de gagnant. Donc, vous avez parlé de posture tantôt? Ouais. Encore un point gagnant. Portagen. Yep, portagen. Alors, pourquoi ça? Parce qu'on veut s'associer à des gens qui sont gagnants. On veut être mené par des gagnants. Donc, première impression, on veut que la personne qu'on rencontre, elle montre qu'elle est confiante, qu'elle... Mais t'amènes ton ticket de la poule. Pas des gens en danger, là. Je suis un gagnant. Je suis un gagnant. C'est bon ça, non? Donc, qu'est-ce qu'une posture de gagnant? Ben, il y a deux chercheurs en psychologie, Jessica Tracy et David Matsumoto. Madame Tracy qui vient de Colombie-Britannique, de l'Université de Colombie-Britannique, et Monsieur Matsumoto qui est de l'Université de San Francisco. Mm-hmm. Eux ont observé des athlètes olympiques aveugles ou non, donc de tout genre, là, des athlètes olympiques, pour voir c'était quoi leurs signaux non-verbaux de d'avoir gagné ou d'avoir perdu. OK. Alors, avaient-ils des démonstrations physiques qui étaient semblables, peu importe qu'ils aient vu quelqu'un d'autre gagner ou pas, donc qui ait en tête déjà une façon de se comporter ou non? Alors, ils se sont rendus compte que peu importe la culture, peu importe que tu vois ou pas, oui, la posture des gagnants se ressemble. Et ça a été vraiment beaucoup là en ligne. Sur Google, si vous tapez Jessica Tracy et David Matsumoto, ça va sortir tout de suite. Là. C'est vraiment une grosse étude qui était sortie. Donc, les gagnants des athlètes, là, typiquement, ils ont les bras dans les airs, tête vers le ciel, la poitrine bien ouverte, hein, donc on les voit bien. Alors que les perdants, ben, tête baissée, les bras le long du corps. Épaules courbées. Ouais. Donc, vraiment posture de défaite là, ou de honte. Alors, ça démontre qu'on est comme programmé dans nos mouvements de victoire ou de défaite. Alors, quand on est fier, on veut que les gens nous remarquent, on a tendance à prendre plus d'espace. Donc, quand on veut faire une première impression, là, c'est sûr qu'on prend pas la posture d'un athlète, c'est un peu too much, mais on nous invite à prendre une posture quand même de gagnant, un niveau en dessous. Donc, écartez tes jambes dans le métro, là, fais du man spreading, prends plus de place. Là. Posture de gagnant. Non, donc en fait, comment bien se faut bien se tenir droite, là, en gros. Là, garder les épaules à hauteur normale, vers l'arrière, le menton un peu relevé, la poitrine et le front bien droit ou légèrement relevé, et garder de l'espace entre les bras et le torse parce que quand on rapproche nos bras de nous, ça montre qu'on est comme vulnérable, qu'on se sent pas à l'aise. Et les mains, comme on l'a dit, encore bien visibles, sans les mettre dans les airs tout le temps. Alors voilà, la posture. Le troisième, plus court, on en a parlé aussi, regarder droit dans les yeux. Yep. Donc, très important, regarder droit dans les yeux. Comme pour la poignée de main, on est comme programmé un peu pour savoir combien de temps il faut que je soutienne le regard de quelqu'un. Ça, là, c'est très important. Hein? Ça peut devenir malaisant. Ça peut devenir intimidant, en fait. Ah, même ça si... s'en vient, ça s'en vient! C'est ça! Faut pas parler! Excusez! C'est qu'on on pense pareil. Ouais, la même ça. Longueur c'est un sujet que vous connaissez bien, là, c'est sûr aussi. Exact. Donc, c'est sûr que quand on apprécie quelqu'un, on a tendance à le regarder plus. Donc, pour faire une bonne première impression, comme tu s'en allais le dire, ben, c'est important d'avoir un bon dosage. Oui, oui, exact. S'il vous plaît. Donc, si on le fait trop, moi, ça m'arrive, je passe quand même, j'embauche une vingtaine d'étudiants comme mentors, mais j'embauche à peu près 40-50 étudiants par année en entrevue. Des fois, il y en a qui veulent trop, là, puis là, ils me fixent tout le long, là. Là, tu prends pas de notes, là, tu te sens comme piégé un peu par le regard de l'autre. Ça devient, comme tu dis, intimidant et parfois même rebutant. Ouais. Tu te dis, ça va être bizarre, pourquoi tu me regardes de même? Ben, c'est... cligne des yeux à un moment donné, je sais pas. Exactement. Veux-tu des gouttes? Ça va? Et d'ailleurs, cligne des yeux dans un film, Le Stagiaire, je sais pas si vous aviez oui. vu ça. Ben, il disait quand il rencontrait la boss, cligne des yeux parce qu'elle, elle aime pas ça quand les gens arrivent puis qui cligne pas des ouais, yeux. Non, de moi, ça me buzz. C'était pas vrai. Je réfléchis, genre, tu vas-tu cligner des yeux? Comme, vas-y, fais-le, genre. Ça me met mal à l'aise. Donc, un bon dosage, parce que c'est sûr que si on le fait moins aussi ou qu'on regarde ailleurs, ben là encore, ça peut être interprété comme un manque d'intérêt, de la timidité, de la nervosité. Donc, regardez droit dans les yeux. Et le dernier point, on n'en a pas parlé, c'est les sujets à aborder. Ah, ben oui. Ben là, c'est un cours. Il abordera bien ce qu'il veut. Hein? C'est un cours. C'est un cours. Non, donner une bonne impression. Première impression. OK, oui, t'as raison. Parle pas juste de TED Talks, là. Okay. Non, c'est ça. Donc, comment donner une bonne première impression? Bien, les sujets abordés. Généralement, quand on aborde quelqu'un pour la première fois ou on a à parler, donc là, c'est sûr qu'on parle pas d'entrevue. Tu sais, vous rencontrez les parents de votre nouveau chum, votre nouvelle blonde, quelque chose du genre. Parle-toi pas sur la politique. On a tendance à vite aller dans nos scénarios, des choses qu'on connaît parce que... on se sent à l'aise là-dedans, mais c'est ennuyeux, prévisible, parce qu'on a pas mal tous les mêmes sujets de base qu'on va aborder avec quelqu'un qu'on connaît pas. La météo. Comme quoi? La météo. Ouais. Ah ouais? Vous faites vraiment ça? Non, les gens font ça. OK. La voix. La voix. La voix. Des émissions de télé populaires, c'est ça, ouais. Ouais. Des questions de base qu'on pose à quelqu'un qu'on connaît pas. Qu'est-ce qu'on rencontre pour vie? La première fois. Ben, ouais. Qu'est-ce que tes parents font dans la vie? Ah ouais? Qu'est-ce que tes parents font? Ouais. Ah? Mais okay, ça dépend ouais. du contexte. Ouais, c'est ouais. ça. Ben non, généralement, mettons, je serais du genre à dire, ouais, qu'est-ce que ta famille a fait dans la vie? Ah, okay. Parce que t'es tout le temps okay. influencé par ta famille. Mm-hmm. OK. J'aurais pas pensé à ça. De base, très de base, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. C'est quoi ta couleur préférée? Non, je suis pas du genre. Demandez pas comment ça va, vous autres? Moi, demande ça. Oh, ah, ben ouais, ouais. Comment ouais, ça va? Général, ça va? Ouais. C'est tellement la base, c'est comme la numéro zéro. C'est ça. Exactement. Sinon, tes passions. Tu viens souvent ici? Tu viens souvent ici. Oui. Tu viens d'où? T'en as amené combien avant? Tu viens d'où? Donc, ouais. c'est des trucs de vraiment de base. Ouais. Hein? Donc, des bonnes conversations là, allumées où on se dit hey, « c'était profond quand même comme discussion. » Tu sais, ça vient avec le temps. Là. Bon. Rempli d'étincelles, des moments de plaisir qui activent la dopamine, donc l'hormone du plaisir. Hein? Mais aussi, quand on réussit à activer la dopamine, ça active la mémoire à long terme. Ça fait qu'on a une impression plus durable aussi. Ah, donc, oui. on se rappelle de cette personne-là. On se rappelle des bons moments qu'on a passés. Donc, la dopamine, c'est comme si on mettait des post-it chimiques dans notre cerveau, des post-it hormonales. Tu sais, cette personne-là, là, on a vraiment eu une belle discussion, une première impression. Donc, comment faire pour avoir des petits sujets intéressants? Fait que là, c'est sûr qu'il y en a plein, là, mais quand même, plutôt que de demander juste comment ça va, ben ça a été quoi le moment fort de ta journée? T'sais, qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant dans la première date? Dans ta vie. Ben on parle de première rencontre de façon générale, là. Pas juste une date. Mais t'sais, mettons, tu vas faire passer une entrevue, là, tu ne demanderas pas à la personne qui te passe en entrevue c'est quoi ton moment fort de la journée. non, mais ça peut être dans un autre contexte. OK. Oui, non, c'est juste des exemples. OK. Ça pourrait être quel projet personnel, passionnant, tu travailles dessus, là, qu'est-ce qui t'allume? C'est une belle question, je trouve, parce que ça démontre un peu ce que la personne veut. Ouais, c'est ça, entreprendre dans sa vie courante. C'est pas défini juste par ta job, là. Non, exactement. Non. Que vous avez parlé de passion tantôt, là, aussi, là, c'est quoi ta passion, qu'est-ce que t'aimes, est-ce qu'il y a quelque chose d'excitant qui se passe dans ta vie en ce moment, tu sais, puis là, bon, à part me rencontrer! En gros, c'est quoi ton histoire, tu sais, c'est des choses qui sont différentes que comment ça va, qu'est-ce qui t'amène ici. Des choses qui font en sorte qu'une personne s'ouvre, mettons, même si c'est dans un contexte... Qu'on peut avoir vraiment une discussion, là, donc ça dépend vraiment de ce qui se passe. Donc, les moins populaires, c'est vraiment ceux qu'on utilise le plus, comme comment ça va, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qui t'amène ici. Sont rassurants. On peut dire, comme dans les sports, qu'ils sont dans notre zone de confort. Mais il n'y a rien de bien, bien excitant qui se passe dans la zone de confort. Hein? Donc, il faut sortir un petit peu de cette zone-là une fois de temps en temps. Comme disent les phrases sur les photos Facebook. La vie commence à la fin de ta zone de confort. Ah, mon Dieu! OK. C'est tellement que t'aimes. Donc, tout ça... Ces quatre compétences-là, ben ça dépend du contexte, ça dépend de la personne, ça dépend de l'objectif. Ben ouais. Mais si on veut garder cette personne-là dans notre vie, dans le cadre d'une date ou d'un ami, qu'on dit « tabarouette, lui, là, il faut qu'il fasse partie de mon cercle », si je veux vraiment travailler à quelque part ou je veux recruter quelqu'un, si on a un réel intérêt envers une personne, ben il faut les conquérir rapidement. Donc, les quatre compétences qui ont été ciblées ici, puis il y en aurait d'autres, là, mais les quatre qui sont là, gardez vos mains bien visibles, établissez un contact visuel très important. Adopter une posture de gagnant ou de confiance et essayer des sujets de conversation qui sont atypiques. Originaux, ouais. Ouais, OK. Originaux. Donc, je vous ai dit que je reviendrai sur les super talkers, donc les superstars des TED Talks, parce qu'il y en a trois qui sont ressortis de l'étude parmi ceux qui gesticulaient le plus. Donc, on parlait de 600 mouvements des mains ou gesticulations, là. Donc, si on peut juste mettre en contexte, là, les TED Talks, on en a déjà discuté, mais ce sont des conférences qui sont faites sur des sujets vraiment très diversifiés. Puis, ça se donne un peu partout mondialement. Il y en a maintenant ici au Québec, en français. Ça peut être des entrepreneurs, des athlètes, des artistes. C'est vraiment très diversifié. Ouais. Il y en a beaucoup sur YouTube. C'est très, très facile à regarder. Oui, c'est intéressant. Puis, en mangeant, on peut regarder ça. Ouais. Souvent, c'est inspirant aussi. Ou ça nous amène plein d'idées. Ouais, vraiment. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a trois superstars. En tout cas, à l'époque, c'est à l'automne 2017. Donc, c'est quand même assez récent. Les trois qui ressortaient en tête en étant les plus populaires. La première, c'est Temple Grandin. Temple Grandin, qui est une prof de zootechnie et sciences animales à l'Université du Colorado et qui est aussi autiste. Ah, ouais. Et elle, ses TED Talks, ou son TED Talk, en fait, portait sur comment son esprit fonctionne en tant que personne autiste. Et elle pense beaucoup en images. Mm-hmm. Donc, elle imagine beaucoup les choses. Et une des citations qu'on retrouve beaucoup d'elle là, quand on va sur Internet, c'est « The world needs all kinds of minds ». Donc, c'est beaucoup, tu sais, si on veut, ce qui la vend, là, ce qui fait qu'elle est si populaire. Ensuite, il y a Simon Sinek. Simon Sinek. Ou je le prononce peut-être pas bien, là. Simon, je sais que c'est Simon parce que c'est un Britannique, mais c'est peut-être Sinek plutôt que Sinek. Lui, c'est un Britannique, un auteur britannique en management et en motivation. Okay. Donc, sur le leadership inspirant. Il a amené la théorie du Golden Circle pour la motivation ou le leadership, comment ça fonctionne. Donc, en plein centre de son Golden Circle, il y a le « why ». Donc, peu de personnes savent pourquoi ils font quelque chose. Dans le deuxième cercle, on a le « how ». Donc, quelques-uns savent comment faire. Et le dernier cercle, c'est le « what ». Donc, mais tout le monde sait ce qu'ils font. C'est ça. Donc, il faut se rendre dans le « why ». Tu sais, pourquoi je fais ça, dans le fond. Donc, selon la limite est mince entre le « how » puis le « why ». Tu sais, des fois, il y en a qui vont le différencier et il y en a d'autres qui ne feront pas tant la différence entre « why » et « how ». Une petite confusion, c'est exactement. Ça, Donc, lui, il est beaucoup motivé pour les entreprises et tout ça, là, comment aller chercher les gens, les motiver davantage. Comment t'appelles son nom de famille? S-I-N-E-K. Voilà. S-I-N-E-K. Ben, Sinek, je pense. Sinek. Tu l'as pas ça, ouais. Ça ressemble à ça. Et la dernière, c'est Jane McGonigal. Donc, G-O-N-I-G-A-L. Alors, elle, c'est une conceptrice de jeu qui a fait un trauma crânien. OK. Et alors qu'elle était alitée, elle a eu des idées suicidaires, ça allait vraiment pas bien son affaire. Elle a créé un jeu Super Better. Oh! Super Better pour aller mieux. Quand ça allait pas bien pour elle. Et elle est reconnue pour avoir aussi créé le jeu Jane the Concussion Slayer. Mon Dieu, j'en ai de la misère. Okay. The Concussion Slayer. Ouais, c'est ça. Un peu inspiré de Buffy the Vampire Slayer. C'est ça. Chasseuse de commotion cérébrale. Exactement. Alors, selon elle, en fait, son tête porte sur le fait que la réalité est déjà alternée à la base. Donc, le fait d'avoir fait un trauma crânien lui a aussi amené cette idée. Mais elle est conceptrice de jeu. Alors, pourquoi le monde ne pourrait-il pas fonctionner comme un jeu? Mm-hmm. Alors, c'est beaucoup ça un peu, donc pourquoi elle est... Mais en fait, elle est... Tu sais, les gens, les trois qu'on vient de mentionner là, sont populaires parce qu'ils gesticulent, mais sont populaires de par leur sujet c'est aussi. Ça. Oui, oui, c'est sûr différents. Et certain. Et ça s'explique donc, mal un petit peu, mais ça donne envie quand même des... Mais est-ce que tu peux... Oui, c'est sûr et certain, là, on le sait, trop gesticuler, mais ces gens-là, là... Mettons, ces trois supers-là, là, est-ce qu'ils gesticulaient trop? Ils disaient pas que ça avait l'air naturel, c'est okay. Vraiment c'est animé, on voit pas le temps passer, donc c'est ça qui fait que quand quelqu'un bouge, on dit « Mon Dieu, il est donc bien passionné par son sujet, donc ça donne envie de l'écouter. » Parce qu'il y en a qui gesticulent par stress, puis ils vont juste comme gesticuler puis rien les faire. Qui c'est ça, exactement. Comme un contrôleur aérien. Exactement. Non, mais il y en a sinon qui vont trop vouloir, ils ont entendu dire qu'il fallait gesticuler, donc ils vont comme le faire, mais fake, et ça paraît quand tu fais semblant. Ouais. Comme ne dans pas, tout. Moi, je dis aux étudiants, chorégraphiez pas vos présentations. Mais non, mon Dieu. Genre, tu marques sur ta feuille, genre, lever la main droite. Ouais, c'est ça, mais tu sais, tu le sais. Mettons, tu sais, il y a des choses que tu dis que tu sais que ça va venir avec. Mm. Ouais. Si, par exemple, tu es. Je pense à ça parce que je fais partie des jeux de la communication, puis il y a une épreuve que c'est hors oratoire, donc ils se doivent de gesticuler pendant qu'ils font leur discours. Puis l'exemple qu'il y avait dimanche dernier, c'était un discours de motivation à un match de football. Bien, automatiquement, la personne va gesticuler en parlant. Tu sais, t'as comme pas le choix, ça vient avec. T'as de l'émotion, t'as du vouloir. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il y a des choses qui viennent instinctivement. Tu sais, t'as pas à te l'écrire. Ça va avoir lieu. Laisse-toi aller. Puis, tu sais, on voit bien le lien avec la posture parce que c'est sûr que quand tu gesticules, tu sais, t'es plus droit, t'es mieux placé. Fait que déjà, ça montre que t'es fier, t'es convaincu de ce que tu dis. Ça fait une grosse différence. Là. Ouais. On le sent tout de suite quand la personne est obligée d'être là. Oui, c'est ça. OK. Il y en a qui, de les sortir de leur zone de confort, ça les rend vraiment très inconfortables, justement. Tu sais, tu parlais des TED Talks, mais si tu regardes des TED Talks, par exemple, ou que ce sont des spécialistes de la science ou des médecins, bien, parfois, oui, c'est le fun d'aller faire un TED Talk, mais ils les sortent de leur zone de confort. Ils sont pas dans leur élément. Exactement. C'est des experts, mais ils sont pas à l'aise de parler. C'est ça. Il y en a des fois qui vont rester tout de suite à côté de l'ordinateur avec le pointeur, puis écoute. Il y en a vraiment. C'est impressionnant d'aller voir comment ils sont. Comme il y en a un, moi, que je montre des fois en cours, c'est « How to look smart ». Mm-hmm. Puis c'est un jeune humoriste, là, dans le fond. Puis vous irez le voir, c'est vrai. Ça dure 3-4 minutes à peu près. Mais c'est vraiment... il dit rien, là. Il fait juste montrer comment avoir l'air intelligent quand tu fais une présentation. Il n'y a pas de contenu, mais qu'est-ce qu'il montre, c'est ça. Tu sais, qu'est-ce que tu pourrais faire? C'est ça. Des lunettes, donner des chiffres, tu sais. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis, ça nous donne des indicateurs aussi quand on nous-mêmes à faire des présentations. Donc, les TED Talks, là, j'en avais regardé quelques-uns à l'époque quand ça avait commencé. Puis là, j'ai laissé ça. Mais le fait d'avoir fait la chronique là-dessus, là, ça m'a vraiment donné envie. Là, c'est parce qu'il y en a tellement aussi. Il n'y a pas de sélection. Là. Non, c'est ça. C'est assez difficile de pouvoir te dire je m'écoutais un bon TED Talk aujourd'hui. Il y en a tellement. Est-ce qu'il y a une page genre Best of TED Talks? Oui, c'est ça. Fait que tu peux commencer par ça. Puis, la petite clochette, là, puis reçoit une notification. Ça dépend de ton champ d'intérêt aussi. Je veux dire, il y a des TED Talks sur vraiment n'importe quoi. Pour te plaire. Exactement. Eric Lapointe sort de ce corps. Je suis désolée. Donc, voilà pour la première impression. Pour terminer, c'est vraiment rapide. Je vous ai parlé du diable est aux vaches. Oui. Donc, ça veut dire quoi, cette expression-là? Ça, c'est un québécisme. Oui, ça rapporte quand les vaches se couchent, non? Non, pas quand les vaches se couchent. C'est pas ça? Non, ça... c'est le contraire. C'est vraiment le contraire de qui se couche, là. Le diable est aux vaches. Le lien que je vois en commun, c'est les deux ont une longue queue. C'est ça? Ah, ben, ça doit être qu'elles sont agitées. Peut-être. Ouais. Oui, c'est ouais. plus quand ils sont agités. Donc, la discorde, le chaos s'instaure, le temps se gâte. Une allusion à l'agitation des vaches dans l'étable. Ah. Puis là, on disait dans le temps que quand les vaches meuglaient, mon Dieu. Faisait comme Éric Lapointe. Un ou l'autre, là, ouais, c'est ça. On disait que c'est parce que le diable était dans l'étable. Ah, c'est ça. Donc. Et c'est là, c'est devenu le diable dans les détails. Le hein. diable. Non, je veux. Le diable est aux vaches. Oui, le diable est dans les détails. Vaches. Tu connais pas l'expression « le diable est dans les détails »?« The devil is in the details ». Non. Peut-être que c'est une déformation de « le diable est dans l'étable ». Ah, peut-être. Ah, peut-être. I don't know. Donc, québécisme, peut-être que ça a été transposé ailleurs par la suite. Puis pour finir, quatre fast facts. Oh, on aime ça. Alors, saviez-vous que pas de buzzer, non. Les restaurants Denise étaient appelés Danny's. Ah, ah ouais? OK. Ça marche au Québec, ça s'appelle Denise, hein? Denise. Il y en a des Denise. Des Denise? Au départ. Question pour vous? Ouais. Quel est le jour de la semaine où il y a le plus d'accidents de voiture? C'est plate, là, mais je vais dire dimanche avec les personnes qui devraient pas nécessairement être sur la route. Moi, je vais dire le lundi. Vous êtes proche samedi. Ah! OK, bon. Vous le étiez samedi. Vraiment proche. Arrêtez drôle, ce soit vendredi puis dimanche. Ouais. Non, c'est samedi. Mais c'est quoi, les gens sont pressés d'aller faire leur commission? Le samedi, le début de la fin de semaine. Ouais, avec le soir aussi. Puis la fatigue du vendredi, des fois, pour ceux qui fêtent. Donc, c'est un jour de la semaine où il y a le plus d'accidents. Mais avant de partir, je vais vous réchauffer avec mes deux derniers fast facts. Donc, ça, c'est plate parce que ça défait peut-être une illusion que vous aviez. Mais contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, nulle part sur la planète, le pavé ou l'asphalte ne peut devenir assez chaud pour faire frire un œuf. Ah non, pour vrai? On voit ça dans les films. À part présentement en Australie. Tu penses? En Australie, présentement, il fait tellement chaud que l'asphalte lève. Que l'asphalte lève, mais, ouais, mais pour faire cuire un œuf. Pour faire cuire un œuf. En tout cas, c'est parce que ça c'est chaud, là. Tu peux pas marcher dans la rue. Mais ça prend vraiment plus de chaleur que ça, ça pour faire ça prend beaucoup un de chaleur. Il faut que l'asphalte, la surface, devienne à 70 degrés Celsius. Donc, ça serait étonnant que ça soit si chaud, là. Parce qu'en tout cas, le plus chaud qui a été observé, c'est 63. Ben, okay, on est dans ces alentours-là présentement en Australie ces temps-ci. Mais ça veut pas dire que l'asphalte est assez. Donc, en tout cas. C'est que tu préfères cuire une toast. Serait... Peut-être, oui, une toast. Puis peut-être qu'avec le temps, ça va devenir possible. Mais là, pour l'instant. Un réchauffement de la planète. On peut dire qu'il n'y a pas ça. Ça s'en vient. Une toast au goudron, on appelle ça une cigarette. Pas une toast au goudron. Wow! Mais faut pas prendre des mouchoirs. Non, pas de mouchoirs. Non. Call back! Hey, bien. Hey! Et pour terminer, un truc de broussard. Tu sais, là, des fois, des trucs de nature, là, Oui. Tu sais, il est quelle heure en fonction du soleil? Ah, mon Dieu, la boussole. Là. Mais là, cette fois-ci, c'est comment à peu près estimer la chaleur, la température qu'il fait l'été. Donc, pour avoir une idée de la température en été, faut qu'il y ait un criquet qui chante, là, premièrement. Fait que ça vous prend cette condition-là. Pendant 15 secondes, vous comptez le nombre de cris que le criquet fait et vous ajoutez 4,5 degrés Celsius, si vous êtes en degrés Celsius, évidemment. Okay. Et ça vous donne la une idée de la température. Donc, s'il crique trois fois... Que ce soit un criquet qui crique... fait juste 7 points. Qui n'arrête pas, là. S'il arrête, ça ne marche pas, là. Mais wow! Ouais. Fait que, tu sais, c'est un approximatif, là. Ça veut pas dire basé sur des études scientifiques. Sur un petit fait divers. Ça donne envie de se traîner un petit criquet dans un petit pot après ton porte-clés. Clairement, tu sors une fois de temps en temps. Ah ouais, vas-y, let's go. Mais fait. On dirait que je mette une note à mon calendrier au mois de juillet où le valider cette fast-fast, je vous reviendrai. La fille est dans sa courbe à l'antenne. Oh my God! Alors, cette semaine, j'ai écouté les criquets. C'est ça. Ah, sauvez les criquets, tout le monde. Sauver les criquets, on va savoir combien il fait. C'est ça. Merci, Véronique Mire. Ça fait plaisir. Quelle excellente chronique, comme toujours. On apprend plein de choses. Merci, Tania, pour tous tes ajouts communicationnels. Non, mais laisse-moi, je vais m'en aller là-bas. Moi, ah, ben, Mathieu, aussi, Mathieu, pour toutes tes blagues que t'as faites, que j'ai pas toutes captées parce que je suis pas sûr. Tu réécouteras la rediffusion. Ouais, je l'écouterai. C'est ça. Merci encore. On te retrouve dans deux semaines pour notre chronique. Avec de plaisir. La Véronique Lopédie, c'est toujours les jeudis matin en début d'émission vers les 7h30. Ouais. Merci. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. On prend une pause. Au retour, l'émission continue avec Tania is gonna entertain ya. Certainement. On parle encore de froid et de santé cette semaine. Oui, donc, c'est bien ça. C'est ça. Vous êtes assez fou. 89.1. Toujours à Assemblage Requis en ce jeudi 18 janvier 2018, Tania Baudin là. Et Mathieu Plante aussi, toujours présent. On est pas mal seul pour le reste de l'émission. Oui, ça ressemble à ça. Malheureusement. En fin d'émission, on vous rappelle de rester à l'écoute pour une grosse pointe d'adresse qui s'en vient. Ça va être la fun, question là aussi à venir, le vrai et le faux. Oh, que j'ai hâte. Je pense qu'on va sortir les buzzers. Mais on a aussi tes chroniques à toi, Tania. Et on va commencer ça dans quelques instants avec ta première. Laquelle as-tu choisi pour commencer? J'ai choisi les bienfaits. Donc, on va continuer sur notre lancée de cette semaine, c'est-à-dire santé un petit peu plus, bien-être de ce côté-là. Je vais vous parler du froid et de l'activité physique. Intéressant. Mais avant ça, on parle un petit peu d'argent avec Dead Obies. Voici leur nouvelle entrée, Monnaie, à Assemblage Requis. J'avais pas assez de money pour un club signage, mais c'est pas ce buddy. Star le reste va me voir, put up in fact. Pour ça, je suis mieux de voir le money. Count money like a motherfucker. Sit shift dans mes conversations. Money maker comme ma mama muffin. Sit and Dion, girl, I'm coming at you. Free boys on the lease boards, if we keep going all night. Plus on a reach growing, alright. Took me fiends go so wild. Everybody bout cat, get them blah blah blah. Pally pass, cause there ain't a pally. No, we stack mood of that cash money. Like Rex, Rex, Rex, Rex, Rex, Rex. Sorry, baby, I'm in Rome. I got in charge of my phone. I got a criminal record, so I'm doing life on the road. Rolling dice on the tour bus with a bunch of tours from Europe. Got that right, I'ma paint it black and that paint back is in euros. Looking back at my euro, you can tell I was made for me. Yeah, boy, I'm a playboy since day one, now I'm playing homie. Holy moly, that's a lot of money. Tour money, that's my only money. Young Dunny on the coast, side ring, all white nigga out of motor. Man, that money on my man. Yeah. Man, that money on my man. Man, that money on my man. Man, that money on my man. Mets la monnaie dans ma main, mets la monnaie dans ma main, mets la monnaie dans ma main, mets la monnaie dans ma main, mets la monnaie dans ma main. Mets le moulin dans ma main, mets le money dans le vin, mets la boudin dans la feuille. C'est un party, c'est une teuf. Mets le dead dans le club, mets le Benfi dans le club. J'ai mon chant à Showcoke, mon deuxième nom sur mon corps. Squad it by, squad it does. Pourquoi tu talks, j'suis quoi tu n'as? J'suis la prise, j'suis la plug. 220 vols, le sang va vol. C'est quelqu'un qui touche à mes boys, c'est quelqu'un qui touche à mes girls. Sont mieux d'être bout. On a toutes nos histoires. On a toutes nos blesses, on a toutes nos battles. J'en chante, blesse. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie, mets la moule. Mets la monnaie, mets la moule. Mets en plein, mets en plein. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Cause my weed is so loud, hey. My show's so loud, hey. Don't let me pass a lie. See the door ain't right, then baby, hold on, hold on. What I want is just a whole lot, hold on. Mucho, mucho dollar. It's a red rum, a cola, hey. Boy, I know when he further. Think I'ma drink up a third one. Think I'm in love with the perp one. Think I'ma lay up a third one. C'est Eddie de garder les doigts super sticky pour compter la palette. Chill in the back of the Panamera, j'ai la pile de money sur la mallette. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. Mets la monnaie dans ma main. De Louise avec Monet. Tu sais, des fois, ça parle français, puis tu te demandes, coudonc, est-ce que c'est une langue africaine, quelque chose? Ouais, mais non. Non, c'est du français. C'est comme hier, il y avait une fille à côté de moi qui parlait allemand, mais des fois, j'avais l'impression qu'elle parlait français, parce que des fois, les langues se ressemblent. Mm-hmm. C'est illusion auditive. Exactement. C'est fun, des fois, ça. Bref, il n'y a pas de confusion, mets la monnaie dans ma main, et ça sonne comme Tania is gonna entertain ya. Tu comprends? Ouais. Comprends ça, je comprends ça. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna do Tania. Ta semaine du mieux-être continue, ouais. Tania. Exactement. En fait, en faisant toutes mes recherches pour justement les différentes chroniques de cette semaine, je suis tombée sur un blog vraiment très intéressant qui est soit québécois ou soit français. Je pourrais pas vous dire vraiment l'origine du blog. J'ai essayé de chercher et pourtant, je n'ai pas trouvé. Mais c'est des tournures de phrases, les Français. Oui, c'est ça l'affaire. Mais ça s'appelle le blog Nutrition Santé. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vais mettre le blog directement sur la page Facebook et le site Internet d'Assemblage Requis. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une panoplie d'articles sur la santé et le bien-être. Et ça m'a amené justement à faire une découverte sur un article qui sont les bienfaits du froid sur notre santé. Parce que oui, sachez-le, on a beau vivre au Québec, on a beau vivre dans le fret, on a beau dire qu'on haït ça, il y a quand même des bienfaits à notre température, madame, messieurs. Toujours voir le point positif des Exactement. Choses. Ceux qui se plaignent, en fait, qui manque un petit peu de chaleur de l'été. Il y en a d'autres qui se plaignent du froid de l'hiver, c'est sûr et certain, ça vient tout le temps comme ça. Mais ceux qui se plaignent des deux saisons doivent être un peu malheureux parce que je vous le dis, il y a vraiment des bonnes choses à tout ça. Et personnellement, je pense que j'aime les deux conditions climatiques. L'été, parfois, il fait beaucoup trop chaud. L'hiver, parfois, il fait beaucoup trop froid. Mais ça nous pousse un petit peu à nous adapter et parfois à découvrir d'autres choses comme de nouveaux sports et ce genre de trucs-là. Donc, moi, je pense que je suis une de ceux qui préfèrent les deux saisons. Je préfère un petit peu moins les deux saisons qui sont molles. Là. La slush et tout ça. C'est ça, exactement. Ouais. Ceux-là, je les apprécie un petit peu moins. Les saisons molles, j'aime ça, c'est bon ça. Donc, il y a des recherches, en fait, qui suggèrent que les températures fraîches jusqu'à froides pourraient justement apporter une liste d'avantages pour la santé des gens. Et clairement, on ne devrait pas toujours éviter l'exposition au froid. Donc, il y a quelques pistes, en fait, pour mieux appréhender l'hiver, pour comprendre ce que le froid peut apporter à notre santé. Et le premier point, c'est que le froid peut améliorer la qualité du sommeil. Ah oui! Sachez-le, donc je vous dis pas d'ouvrir vos fenêtres durant l'hiver, là, on est loin de là. Mais y a rien de plus fun que de se mettre en dessous d'une couverte quand il fait un petit peu froid dans ton lit. Ben c'est ça. Que tu dors mieux que ça. Ben en fait, notre corps, ça suit un rythme circadien qui va régulariser l'alimentation, le sommeil, les activités, selon les cycles jour-nuit. Mm-hmm. Et ça nous permet de fonctionner puis de vivre normalement. Et il y a des chercheurs qui ont découvert qu'il y a un dérèglement du rythme circadien qui peut mener à un sommeil qui va être perturbé, ce qui, à son tour, va amener, évidemment, certains nombres de problèmes de santé. D'autres études ont montré que l'insomnie et des troubles du sommeil, bien, ça peut altérer notre perception et notre fonction cognitive. Ça peut augmenter aussi le risque de maladies rénales et de diabète. Mais la recherche a révélé que quand on dort, la température de notre corps commence à baisser de façon naturelle, de façon organique, de façon biologique. Et les insomniaques... insomniaques, oui. Non, pas mieux. Insomniaques. Insomniaques, c'est ça. Semblent en fait incapables de réguler la chaleur du corps de manière appropriée, ce qui va conduire à des difficultés à s'endormir. Ah oui. Donc, il y aurait une explication au fait que vous ne dormez pas, cher insomniaque. Hein? Et c'est là que les températures extérieures entrent en jeu. Une étude a même déjà expérimenté des sortes de bonnets ou des casquettes réfrigérantes pour la nuit qui viendraient maintenir, en fait, la tête du dormeur à des températures qui vont être beaucoup plus fraîches. Mm-hmm. Ah, ils vendent aussi, il y a souvent des oreillers, on voit ça. Exactement, les oreillers qui vont rester frais. Donc, les directives actuelles de sommeil bien, sont soutenues, bien évidemment, par des recherches qui suggèrent que la température idéale dans une chambre à coucher, pendant qu'on se prépare à aller dormir, devrait être située entre 15 degrés et 19 degrés. 15 degrés? Ouais. Ah! C'est pas beaucoup, hein? Non. Surtout pas à moins 40 à l'extérieur. Mais l'essentiel, c'est que vous devriez pas vous transformer en glaçon puis ressentir en fait un froid là, incroyable. Un environnement modérément frais pourrait être idéal pour s'endormir et justement préserver la qualité de votre nuit. OK, je suis prêt à descendre à genre peut-être 19. Exactement. Moi, je pense que je suis à 20 présentement, donc je vais peut-être descendre. Moi, je suis toujours à 20 partout dans la maison, donc ouais. 19, ça pourrait être peut-être 18. Ça pourrait être intéressant, ouais. Mettons. Le froid, ça nous donne un bon appétit. Il faut le savoir. Okay. Pour se nourrir en hiver, c'est pas toujours simple. Il y a des études, en fait, qui soutiennent l'affirmation séculaire que notre appétit, elle augmente en hiver. Oui, oui, c'est pas faux. Peut-être que vous vous dites, hey, voyons, tout le temps faim en hiver. Bien, c'est parce que les températures chutent rapidement. Donc, il y a des petites variations saisonnières qui changent quelque chose en apport calorique quotidien. Et ça change quelque chose aussi dans la composition d'un régime alimentaire. L'activité physique, le poids corporel, ce sont des choses aussi qui sont présentes chez les individus normaux en hiver. Et les humains, comme les animaux, en fait, ont également tendance à manger moins à des températures qui vont être ambiantes ou plus élevées. Donc, si vous voyez là, durant l'été que vous mangez plus frais ou vous mangez plus léger... Salade, exactement. C'est tout simplement à cause de la température. Mais l'appétit augmente dans des environnements qui sont beaucoup plus froids. Donc, nous, chers Québécois, bien, on a tendance l'hiver à manger plus, mm-hmm. C'est sûr et certain. Il faut noter, en fait, que l'impact de l'exercice aérobique intense et la température ambiante sur l'apport calorique, bien, ça révèle que le fait d'être actif dans un environnement frais, donc dans un environnement froid, va stimuler notre sentiment de faim. Donc, si vous avez du mal à manger dans des portions qui vont être saines, bien, il faut prendre le temps de faire de l'exercice parce que c'est ça qui va venir jouer le bon équilibre, en fait, durant la saison qui est très, très froide. Et si vous faites, par exemple, une marche rapide dans l'air frais du joyeux Québec, je vous le souhaite pas de le faire à moins 42, là, mais si vous faites ça juste avant d'aller manger, bien, ça pourrait contribuer, en fait, à augmenter votre appétit de façon saine. Vous allez moins avoir le goût de manger, par exemple, de la junk food et ça va vraiment maintenir votre équilibre sur votre santé, mais nutritive. Donc, vous allez avoir le goût de manger beaucoup, mais de manger de bonnes choses. Donc, on s'entend de ce côté-là. C'est une bonne chose, ben oui. Le froid. Le froid, ça brûle de la graisse, Mathieu. Ah! Eh bien, oui. Okay. D'un autre côté, peut-être que vous avez tendance à craindre un petit peu à manger pour pas avoir un gain de poids durant l'hiver parce qu'on se dit, bon, le temps des fêtes, on se dit, veux pas, on le sait, là. Je pense que ça fait des décennies que les Québécois disent qu'on mange plus en hiver, on mange des patates plus en hiver. Ah, okay. Donc, tu sais, tout ce genre de nourriture là, ça fait en sorte qu'on a quand même une crainte au niveau de comment je pourrais dire, ben, je m'en allais dire en anglais, de weight gain, mais... Prise de poids, et voilà. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Parce qu'en fait, le froid, ça peut également être utilisé pour catalyser la perte de poids. Notre corps va stocker deux types de graisse. Il va stocker le tissu adipeux blanc et le tissu adipeux brun. Le tissu adipeux blanc, c'est considéré comme mauvais parce que ça s'accumule facilement et simplement. Et cette graisse-là, si elle s'accumule de façon excessive, bien, c'est ça qui peut amener un surpoids ou encore l'obésité. Par contre, la graisse brune, c'est celle qui est dite bonne graisse, parce que le carburant de notre corps va l'utiliser pour brûler notre énergie. Donc, c'est pas surprenant, en fait, que les scientifiques soient toujours à la recherche de nouveaux moyens pour stimuler le corps et transformer la réserve de graisse blanche en réserve de graisse brune. C'est qu'on veut justement arriver à transformer cette graisse qui sert pas à grand-chose à quelque chose qui va utiliser notre énergie. Le principal moyen, en fait, de brunir la graisse blanche, c'est à travers l'exposition à des températures beaucoup plus froides. Probablement que vous avez déjà vu, c'est comme une tendance aussi, là, ces temps-ci, d'aller dans des... Ça ressemble en fait à un spa que, où tu peux aller te faire bronzer, les fameux bains bronzants là, où tu te sens un peu en cabané. Le four à panini pour humains. Exactement, le fameux four à panini pour humains. Bien, ces temps-ci, on a ce fameux four à panini là, mais de façon extrêmement froide. Donc, on utilise la glace sèche pour justement faire baisser votre température corporelle. Et ça a bien évidemment des bénéfices au niveau de la brûlure de graisse. Mmh. Et pendant la saison froide, bien, notre corps va chercher des moyens de rester au chaud. Et on s'entend, là, c'est sûr, si vous vous habillez mal, ça va être pire, mais ça nécessite de plonger dans l'apport en graisse pour le carburant. On a besoin de cette énergie-là justement pour se réchauffer. Donc, il y a des études qui ont révélé que l'exposition à des températures froides, ça peut activer le métabolisme des graisses brunes chez l'homme adulte, mais chez la femme adulte aussi. L'activité de graisse brune, ça va être régulé à partir du cerveau, il faut le comprendre, et ça va être en fonction du besoin de chaleur pour le contrôle de notre température corporelle. La chaleur va résulter de façon initiale à de la combustion, en fait, de lipides qui va être stockée dans nos tissus adipeux bruns. Et pendant une production de chaleur qui va être prolongée, bien, les composants de la nourriture qu'on a ingérée vont être canalisés vers le tissu comme justement un apport continu d'énergie pour continuer à combattre le froid de cette façon-là. Donc, plutôt que d'être déposée, la graisse va être constamment brûlée pour générer de la chaleur. Et le tissu adipeux brun, chez l'homme et chez la femme adulte, c'est métaboliquement actif et très, très actif lorsque c'est stimulé de façon physiologique. Donc, on veut y aller vraiment le plus souvent possible à l'extérieur, dans des saisons froides, pour justement arriver à dire « faut que je transforme, en fait, mon énergie corporelle en chaleur ». Les frissons qu'on va provoquer par le froid, bien, ça aussi, c'est un des bienfaits, en fait, de la température qui va être beaucoup plus fraîche, c'est qu'on va stimuler la combustion des graisses. Donc, en hiver, on grelotte. C'est sûr que si vous sortez pas à l'extérieur de votre maison est chauffée à 25 degrés, probablement que vous grelottez pas beaucoup. Mais si vous sortez à l'extérieur, ça se peut que vous ayez des frissons, que vous grelottez. Et les frissons en hiver, c'est nombreux, là, on va pas se le cacher. La bonne nouvelle, c'est que un petit peu comme la température corporelle, on va stimuler la combustion des graisses avec ces fameux frissons-là. C'est basé sur une étude qui a été publiée et on a révélé en fait que les frissons, ça stimule la sécrétion de l'hérésine. C'est une hormone qui va induire la combustion des graisses. Apparemment, si on passe 15 minutes à frissonner dans un environnement qui va être froid, on a le même effet que d'exercer une activité physique pendant une heure. Wow! Parce que notre corps au complet va bouger. Ouf, ouais. Donc, de la sorte, pendant les fêtes ou pendant la fin de l'année ou durant le temps froid, bien, pendant nos repas de famille, n'hésitez pas à aller faire une petite promenade entre chaque repas. Ça pourrait justement vous amener ce côté frissonnant-là. Puis, ça va juste être bénéfique pour vous. Vous allez pouvoir sûrement éliminer les excès beaucoup plus facilement et vous allez éviter de prendre trop de poids aussi ou de stocker les graisses de façon inutile. C'est sûr que si vous êtes dans un party des fêtes, là, par exemple, là, ou vous êtes dans une petite soirée où vous êtes toutes bien habillées, allez pas prendre une marche en robe. Là. Mm-hmm. Vous allez frissonner, mais vous allez aussi vous geler. C'est ça. On veut voir la différence. Là. On veut pas d'engelure, on veut pas d'hypothermie, on veut juste frissonner. Okay? Mais t'es quand même en train de dire que la ceinture qui te fait shaker le bedon, hein, que ça marche aussi, parce que ça me fait frissonner. Chaud. C'est chaud. C'est pas à température froide. Ah! Nous, on cherche vraiment les bienfaits au niveau de la température. C'est vrai. La ceinture va pas nécessairement amener quelque chose de changeant, parce que c'est pas ton corps automatique au complet qui va bouger. Ça va juste être la section qui est attirée par la fameuse petite ceinture qui bouge. Et c'est pas toi, de façon naturelle, qui va le faire. Ça va être la ceinture qui va le faire pour toi. Ouais, OK, je comprends. Donc, nous, on veut vraiment que le cerveau comprenne qu'il faut qu'il commence à frissonner au niveau du corps complet pour justement commencer à faire un changement au niveau des graisses. Le froid va diminuer l'inflammation ou encore la douleur locale. Oui. Ça, je pense que la plupart des gens, on est au courant. Là, quand on se fait mal, on va mettre de la glace. C'est difficile de déterminer des fois si on met du chaud ou du froid, dépendant de la blessure. Exactement. Donc, c'est un autre avantage qui est bien connu, en fait, de l'exposition aux températures qui sont froides. C'est la diminution de l'inflammation locale. Donc, si vous êtes enflé, on met du froid. Si vous n'êtes pas enflé, consultez. Donc, il y a beaucoup d'entre nous, en fait, qui vont se souvenir qu'on a déjà dit, quand on était petit, d'appliquer une compresse glacée sur une bosse après un petit bobo. Bien, c'est un petit peu le même principe de ce côté-là. De façon traditionnelle, la glace ou bien une compresse qui va être émergée d'eau très froide vont être utilisées pour traiter, par exemple, un large éventail de bosses, un large éventail d'ecchymoses. Il va falloir faire attention, bien évidemment, à la quantité de froid qu'on va appliquer pour chaque type d'inflammation. Ouais. Et pour chaque personne, il ne faut pas laisser ça trop longtemps pour justement pas se geler la peau. Là. C'est facile d'oublier que ça fait 15 minutes. Exactement. Donc, la quantité de froid qui va être appliquée au corps ne devrait pas dépasser la capacité du corps à le neutraliser. OK. On ne veut pas se geler, justement. Mm-hmm. Mais certains chercheurs et certains médecins affirment que l'immersion dans l'eau froide pour le traitement de l'inflammation, ce n'est pas significativement plus efficace que d'autres options de récupération. On voit ça souvent chez les athlètes. On va se plonger dans un bain de glace, par exemple. Bien, au niveau de la récupération, apparemment que ce n'est pas significativement beaucoup plus efficace que d'autres options de récupération. Pourtant, on continue d'utiliser des glaces pour, exemple, apaiser un mal de gorge, pour les engourdissements des terminaisons nerveuses, pour réduire la sensation de douleur chez certains athlètes. Donc, il y a des chercheurs qui conseillent la cryothérapie. C'est exactement ce que je te décrivais tout à l'heure, le fameux four à panini, mais à froid. C'est un traitement qui va être basé sur l'exposition au froid, qui peut être efficace pour réduire la douleur locale. Mais les chercheurs expliquent aussi que c'est préférable d'utiliser des compresses froides en combinant avec des médicaments et autres traitements, selon le cas. Mais c'est sûr qu'au niveau des athlètes, si on regarde ça comme ça, quelqu'un qui va faire beaucoup d'activités physiques, c'est sûr et certain que de se mettre des compresses un peu partout après un match de hockey, là, ça peut être long. Puis de devoir te faire masser après chaque match de hockey, ça peut être long. Donc, au niveau de la récupération, oui, de ce côté-là, il y a certains sports pour qui ça va être beaucoup plus efficace rapidement parce que le long terme, tu peux pas aller le chercher sur le long terme. Tu le veux vraiment sur le court terme. Tandis que quelqu'un qui, ça ne dérange pas nécessairement de devoir faire plusieurs sessions de récupération, puis à ce moment-là, on dit que le froid n'aura peut-être pas une si grande importance à ce niveau-là pour la récupération des douleurs. Le froid, en terminant, du côté des bienfaits de cette fameuse belle petite température que nous avons ici. Faut bien voir ça positivement. Exactement. Sinon, on déprimera. Bien, sachez que ça nous reconnecte avec les gens qui comptent pour nous. Bien oui, il y a des effets psychologiques en fait qui sont provoqués par le froid qui peuvent être douloureux pour certaines personnes parce que pour certains humains, le manque de lumière et la possibilité d'une dépression saisonnière, c'est quelque chose qui arrive souvent avec la température et le manque d'opportunités pour s'aérer sans être trop refroidi, bien ça transforme la saison en cauchemar, on va se le dire. Et il y a d'autres personnes qui sont la proie à une mauvaise humeur, à un sentiment de fatigue durant cette grande période-là de notre hiver québécois. La moitié de l'année. Oui, c'est ça exactement. Mais heureusement, c'est pas toujours sombre. Il y a des chercheurs qui démontrent en fait que le temps froid, ça a des effets quand même assez surprenants au niveau psychologique. Il y a une étude qui a été réalisée en 2012 et ça l'a montré que par mauvais temps, y compris les jours qui sont très froids, on a tendance à faire des appels téléphoniques beaucoup plus longs, mais à moins de personnes. OK. Donc, on prend plus de temps pour discuter avec les gens qu'on connaît ou avec qui on n'a pas noué depuis un bon bout de temps. Ça signifie que lorsque le temps nous décourage, il y a d'autres activités, par exemple, on a tendance à rester à la maison ou près de chez nous et on veut nous reconnecter avec les personnes qui comptent le plus pour nous. C'est aussi très simple à vérifier, même si l'usage intensif d'Internet ces dernières années, là, ça modifie un petit peu les résultats de cette recherche-là. Mais il y a une autre recherche qui suggère aussi que les environnements froids, ça pourrait promouvoir un type de créativité que les chercheurs appellent la créativité référentielle. Les températures qui vont être très froides peuvent nous rendre meilleurs à reconnaître, par exemple, des métaphores ou à être beaucoup plus inventifs. On veut s'assurer de notre motivation pour organiser la nouvelle année, pour organiser ce qui va être, par exemple, de bonnes résolutions, ce qui va être de bons buts, des projets sur lesquels on veut travailler. Bien souvent, tout ça, ça se fait pendant des périodes froides. Ça se tient. Ça se tient, tout ça. Ben oui. Donc, il faut comprendre que oui, c'est déplaisant. Parce qu'au Québec, l'hiver, c'est là 6 mois par année, c'est honnêtement. Vraiment long. Mais ça a des bienfaits, pensez-y. C'est sûr et certain aussi que le chaud a des bienfaits. Là. L'été, là, ça a des bienfaits aussi sur nos capacités physiques et sur nos capacités mentales. Mais il faut arrêter de voir l'hiver comme un monstre au Québec et tout simplement se dire que finalement, c'est une bonne chose. Puis si vous trouvez pas ça positif, ce qu'on vient de dire là, pensez au sirop d'érable sur la neige. Oui. Et soudainement, tout va bien. Soudainement, tu te dis « Oh mon Dieu, c'est très bénéfique. » Ah oui. Vive l'hiver. Exactement. Et si tu me le permets, Mathieu, bien du côté de l'activité physique, on en discutait un petit peu côté beauté, mais relié à la santé. OK. Pour les hommes et pour les femmes, sachez-le, bien il y a des bénéfices beauté de l'activité physique. On se dit que oui, aller au gym, c'est plate, faut que tu te démaquilles, tu vas suer, tu vas avoir l'air d'un homard probablement en sortant, mais toutes les raisons sont bonnes pour bouger souvent et davantage, et y compris avoir une belle allure. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui veulent avoir l'air fou. C'est ça. Ou qui veulent pas être nécessairement, je veux pas dire beau, mais qui... Je pense que même du côté des gars et même du côté des filles, on veut avoir l'air de quelqu'un qui se tient bien et on veut avoir l'air de quelqu'un qui a une belle peau, par exemple, mm-hmm. et tout ça. Donc, on soupçonne pas toujours les nombreux effets que peut avoir l'activité physique sur notre apparence. Et là, je parle pas nécessairement juste de la silhouette que vous allez avoir, mais il y a des aspects de votre beauté qui vont être rehaussés par un entraînement qui va être régulier. Par exemple, une peau en santé. On aborde le sujet souvent, en fait, de la peau lorsqu'on parle de l'entraînement, mais on ajouterait, en fait, que l'exercice va diminuer l'acné et ça va améliorer la texture de votre peau. Donc, la sueur, en fait, ça va aider à nettoyer les pores de notre peau, que vous soyez une femme ou un homme, là, et on va libérer les saletés et on va libérer des huiles qui ont été accumulées à l'intérieur. Donc, de ce niveau-là, notre peau va devenir probablement beaucoup plus douce pour certains et, justement, vu qu'on libère des huiles et tout ça, mais on va la nourrir de cette façon-là. Par la suite, vos cheveux. Ah. Ben oui, sachez-le, parce que pendant l'activité physique, veux pas, je l'ai dit, là, on sue, donc notre cuir chevelu va être nourri, lui aussi, par une augmentation de la circulation sanguine. Et ça a été démontré que les cheveux sont en meilleure santé et ils vont être beaucoup plus forts, ils vont être beaucoup plus brillants chez les gens qui vont s'entraîner de façon régulière. Le stress, ça fait augmenter de façon significative la perte de cheveux. Et c'est évident, en fait, que l'activité physique, ça a un effet direct sur la réduction du stress. Donc, on va favoriser un petit peu par la bande une chevelure qui va être beaucoup plus abondante. Pensez-y, là, ouais. Pensez-y. Hey. On va avoir un meilleur teint. Tu sais, je pense que oui, pour certains, c'est pas vraiment quelque chose qui est primordial dans leur vie. Parce que le fond de teint est là. Hein? Le fond de teint est là chez, chez les filles. Mais je pense que y a quand même des gars qui y pensent à certains moments. Tu sais, on se met de la crème un petit peu ouais, plus. Ça me parle un peu. C'est ça, exactement. Donc, les problèmes de digestion, ça a un lien beaucoup plus intime qu'on le pense avec nos problèmes cutanés. Sachez-le. Une mauvaise digestion, ça peut même affecter notre teint. Donc, l'activité physique, ça régularise tout ça et ça contribue à remédier justement à notre belle couleur de peau. Selon plusieurs études, les exercices qui renforcent les muscles abdominaux profonds vont favoriser et vont même accélérer la transformation de la nourriture et de la digestion, ce qui va faire en sorte que vous allez avoir un meilleur teint, mesdames, hey. Messieurs. C'est le fun, hein? Ben oui. Un éclat instantané, on cherche ça souvent là, du côté des filles. T'es enceinte, mettons. Hein, c'est ben, ça? Les femmes enceintes en ont beaucoup, oui. Mais on va utiliser le fameux glow, là, le fameux highlight du côté des filles au maquillage pour avoir un éclat instantané. Bien, c'est parce qu'en fait, on cherche cet afflux sanguin au visage-là qui va nous donner un éclat naturel et qui va rester souvent quelques heures après l'exercice. Tu sais, quand tu dis the natural glow, le glow naturel, naturel, l'éclat naturel d'après entraînement. C'est exactement ça, mesdames, messieurs. C'est le fait d'activer la respiration et d'augmenter la part en oxygène qui va conférer, en fait, à votre visage une apparence vraiment plus saine. Et de cette façon-là, vous allez, oui, avoir des couleurs. Ça se peut que certains aient l'air d'un homard pendant quelques entraînements, mais c'est sûr et certain que si vous le faites de façon régulière, votre peau va s'auto-régulariser. Vous allez avoir un état et un teint qui va s'améliorer au fil du temps où vous allez vous entraîner. C'est sûr et certain que l'entraînement, l'activité physique, peu importe ce que vous faites pour bouger, ça va amener un meilleur contrôle de la cellulite. Qu'on se le dise, là, il y en a chez les gars, il y en a chez les filles. La cellulite, ça découle en grande partie de facteurs génétiques. Et contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, c'est pas un signe de surpoids de la cellulite. Il y a plusieurs femmes qui ont un poids santé qui ont de la cellulite. En fait, c'est tout simplement le manque d'activité physique. C'est le manque de muscles à ce niveau-là. Si vous regardez certains athlètes, oui, on en a aussi de la cellulite. C'est un petit peu... C'est un incontrôlable, là, en fait. Mais vous allez pouvoir le régulariser de façon plus facile avec, justement, l'activité physique. Vous allez avoir un meilleur contrôle sur tout ça. Et bien évidemment, vous allez avoir un air beaucoup plus reposé. Sachez-le. Si vous avez déjà pratiqué, par exemple, une activité physique dans une journée, il y a de fortes chances que la nuit suivante, vous allez mieux dormir. Hein? Mm-hmm. Et vous allez dormir beaucoup plus rapidement, sachez-le. Ouais. Ça se peut que vous vous endormiez sur le sofa. C'est draqué. C'est possible, oui. Vous allez dormir plus longtemps. Et lorsque vous dormez, bien, votre corps produit une hormone de croissance qui aide à la réparation et à la reproduction de vos cellules. Et le sommeil, ça favorise aussi une meilleure production de collagène. C'est pour une... L'élasticité de la peau. Exactement. Une peau beaucoup plus douce, d'apparence plus jeune. Tu sais ce qu'on vous vend avec des crèmes? Bien, vous pouvez l'avoir de façon naturelle. Gratuitement. T'sais. C'est-tu pas merveilleux tout ça? Pour certains, sachez-le, ça va faire une réduction des rides précoces. Donc là, peut-être que je parle plus aux femmes de façon naturelle, là, mais il y a des hommes aussi qui ont des rides, sachez-le. On n'est pas à l'encontre de tout ça, on vieillit tous. Donc l'exercice, comme je le disais tout à l'heure, ça diminue le stress. On connaît bien ce bon côté-là. Mais par conséquence, on entraîne aussi une réduction du taux de cortisol. Donc c'est une hormone qui est directement reliée au stress. Et on sait maintenant que le cortisol vient interférer avec la production de collagène. Donc c'est une sublime petite protéine qui permet à la peau de rester souple, de s'auto-réparer et ça va empêcher de cette façon-là l'apparition précoce des rides et des ridules. Donc, si on regarde ça comme ça, l'exercice va favoriser une meilleure production de collagène dans votre corps. Ça va faire en sorte qu'automatiquement, vous allez peut-être avoir des rides, mais plus tard. Ah. Vous allez tout simplement les reporter. Exactement. Et en terminant, bien, c'est sûr et certain que vous allez avoir l'air beaucoup plus énergique et beaucoup plus joyeux après avoir fait de l'activité physique. Donc, si vous faites de l'activité et des exercices de façon régulière, bien, vous allez diminuer vos risques de souffrir de dépression ou encore d'anxiété. Le niveau de stress est plus bas grâce à la sérotonine, à la dopamine, et ça circule en grande quantité dans votre corps lorsque vous faites de l'activité physique, et ce sont des effets positifs sur l'humeur, directement. Donc, en lien avec l'exercice, on va avoir une action directe, par exemple, sur votre langage corporel et sur votre apparence en général. Vous allez vous sentir mieux. Mm-hmm. Point. Voilà. Cool. Wow. Hein? C'est-tu pas merveilleux? C'est fantastique. Bouger, puis bouger dans le froid. Oui. Ah, la neige a arrêté. Oui. Depuis tantôt. Neige plus. C'était bon tantôt, il y avait de la neige. Oui. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Tania, je gagne tout, Tania, tous les matins à Assemblage Requis. On prend pause au retour. On oui. joue à le vrai le faux. Oh, j'ai hâte. Ah oui. Assez fou pour l'écouter. 89.1. De retour dans ton émission Assemblage Requis, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Oh, que oui. Tout à l'heure, on va jouer à Le Vrai, Le Faux ensemble, mais avant ça, c'est le moment de passer à notre petit bloc musical des palmarès. C'est fou! C'est le moment donc d'aller rendre visite à nos très négligés palmarès. C'est fou. Et aujourd'hui, on va savoir si les numéros 1 de la semaine passée sont toujours au sommet. On se rappelle que la dernière fois, c'était Mara Tremblay et, en anglophone, Julie and the Wrong Guys. Mm-hmm. Hein? Julie and the Wrong Guys. Ça, c'était les palmarès. C'est fou qui se terminaient le 14 janvier. C'était de décembre à janvier. Donc maintenant, on est rendu à la période de la semaine du 15 au 21 janvier. On vous dit pas qu'est-ce qui est au sommet, mais vous allez voir. Vous allez deviner, déterminer par vous-même si ça tient. Hein? OK. C'est la blague des numéros 1? Oui. première position. Thank you. Et voilà, c'était les numéros 1 des palmarès Cifou pour cette semaine du 15 au 21 janvier 2018. On a commencé avec Philippe Braque et La fin du monde sur l'album Le silence des troupeaux. Et on vient d'entendre Slaughter Beach Dog avec Acolyte sur l'album Birdie. Donc on a deux nouveaux numéros 1. C'est plus Mara Tremblay, c'est plus Joey and the Wrong Guys. Non. Fini ce temps-là. Arrêtez de vivre dans le passé, ça c'était en décembre. Exactement. Hein? Maintenant, les palmarès reprennent leur rythme régulier aux semaines pour le reste de la session hivernale. Donc on fera ce bloc des numéros 1 la semaine prochaine. Pour l'instant, on prend une pause et au retour, enfin, là c'est vrai, on va jouer à le vrai le faux. Ouhou. Au retour. D'arrêter de parler des mauvais ordinateurs dans le studio. Hein, une chance. Toujours Assemblage Requis en ce jeudi 18 janvier 2018. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Et maintenant, c'est le moment de jouer au jeu que tout le monde adore. C'est plus coté que n'importe quel jeu télévisé que vous pourriez avoir. C'est ce qu'on appelle... Est-ce que ça va jouer, ça? Le vrai, le faux. Ah oui! Vu à la télévision, un homme de 40 ans aurait trouvé un corbeau blanc sans trop savoir comment annoncer aux informations. Deux ou trois mots à la radio et sur Internet, une tempête d'images, un faisceau. Le vrai, le faux se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. C'est le vrai, le faux, donc le quiz où Tania doit déterminer ce qui est vrai, ce qui est faux parmi les nouvelles que je lui envoie. Comme ça, évidemment sans les regarder, sans aller voir sur Internet, parce que le reste des articles, Tania peut aller les voir. Oui, en effet, mais non, je suis pas du tout en train de regarder ça. Non, mais je te fais confiance, Tania. Okay. T'as une petite clochette aujourd'hui. Oui, est-ce qu'on teste le buzzer? Regardez ça. Ah, que c'est beau! Yeah. Donc, commençons avec les féministes. Oui. Tania, est-ce que c'est vrai que les féministes, en ce moment, sur Internet, se plaignent du viol télépathique? C'est sur un site internet, on a parlé de ça, c'est un post, un billet qui vient d'un site où les femmes c'est féministes, donc les gars pensent à une fille, se touchent en pensant à une fille, et c'est donc du viol par télépathie. Hey, j'aimerais ça dire que... Oh my god. Ça s'est passé donc en janvier 2018, un certain Paul Joseph Watson a souligné ça sur un site internet. Je veux dire que c'est faux. Tu as raison, c'est faux! Bing! Voilà. Donc, ce n'est pas vrai. En fait, c'était supposé être une satire. C'est le site InfoWars, le site des fous furieux de la droite américaine. Donc, le rédacteur en chef, editor at large, Paul Joseph Watson, a souligné ça. Lui qui pousse plein de théories du complot sur ce site-là. Donc, sur les petits snowflakes, les flocons de neige libéraux américains. Donc, les sensibilités des gens, entre autres, les féministes, tout en train de parler contre ça. Et donc, il y avait tweeté que la masturbation était rendue un viol télépathique. Et là, il y avait dit en dessous « Féminisme en 2018 ». Et là, ça soulignait le paragraphe qui disait que lorsqu'un homme se touche en pensant à une femme, il sait dans la vraie vie que c'est sans son consentement, donc que c'est du viol par télépathie. Mais tout ça était de la satire. Ensuite, est-ce que c'est vrai que les passagers d'un bateau de croisière se sont fait avertir textuellement sur un avertissement, une feuille de papier, de ne pas avoir de relation sexuelle avec de la pizza? Attends, wow, répète ça. Une lettre crue donc qui avertissait les passagers d'un bateau de croisière de ne pas avoir de relations sexuelles, d'actes sexuels avec une pizza. Ça a été posté comme message apparemment par la ligne, par la compagnie derrière ces bateaux de croisière-là. Ça se passe en Norvège, si tu veux savoir. En c'est Norvège. Faux. C'est faux! Oui! Ah! En fait, en vrai, c'est un vrai message, mais c'était une blague qui avait été faite. Okay. Ça venait pas vraiment de la compagnie. My God. Donc, Norwegian Cruise Line qui aurait posté un message sur ses bateaux expliquant que le bar à pizza était pour consommation seulement et demandait aux passagers de ne pas avoir de relation avec leur dîner. Donc, c'est ça. C'était la croisière pour un festival de musique Holy Ship qui est parti en janvier 2018 avec cette image-là, mais qui était une blague. Donc, que ça circuler sur les réseaux sociaux. Ensuite, est-ce que c'est vrai que deux meilleurs amis, pendant toute leur vie, ont découvert qu'ils sont en fait des frères? Alan Robinson et Walter McFarlane, qui ont grandi comme meilleurs amis, mais qui ont appris avec le temps qu'ils étaient vraiment frères. Ben, écoute, c'est quelque chose de possible. Ouais, OK. Ça se passe à Hawaï, en passant. Amis depuis plus de 60 ans, nés à Hawaï à 15 mois de distance l'un de l'autre. Ils se sont rencontrés en 6e année, jouaient au football ensemble. 15 mois de différence, sont dans la même classe? Ça se peut. C'est ça le facteur qui le fait... Peut-être. Je veux dire que c'est faux. Mais non, c'est vrai! Ah! Oh, oui, deux hommes d'Hawaï qui ont grandi comme meilleurs amis. McFarlane n'a jamais connu son père et Robinson était adopté séparément. Ils ont cherché des réponses, oui, par rapport à leur arbre généalogique. McFarlane est allé voir donc sur un site là, d'ADN, comme on annonce à la TV. Là. Et après plusieurs recherches qui n'ont pas fonctionné sur Internet et sur les réseaux sociaux, finalement, ils ont continué à creuser sur les matchs que les deux pouvaient avoir. Et un match, leur meilleur match, leur top match, quelqu'un avec un chromosome X identique avait le nom d'utilisateur Robbie737 sur le site web. Le surnom de famille de Robinson était Robbie. Et donc il s'est rendu avec un avion à Aloha, sur Aloha Airlines. Oui, voilà. Et finalement Robinson avait utilisé le même site web pour trouver des réponses au sujet de sa famille. Et plus tard ils ont appris qu'ils avaient la même mère, mais pas le même père. Donc ils ont révélé leur relation à des amis et à la famille pendant une petit party et tout le monde a vraiment aimé ça. Ils prévoient voyager ensemble et même passer leur retraite ensemble. C'est cool, hein? Ben oui. Ben oui. Donc voilà des meilleurs amis qui sont en fait des frères. Est-ce que c'est vrai que San Diego, la ville de San Diego, a engagé quelqu'un pour arrêter une sécheresse, donc un rainmaker, tu sais, quelqu'un qui fait une petite danse pour la pluie, là, pour arrêter une sécheresse en 1916? On aurait donc engagé ce qu'on appelait un Moisture Accelerator, donc un accélérateur de l'humidité, Charles Hatfield, pour remplir les réservoirs d'eau. C'est le gars qui a été engagé en 1916. Non, mais qui l'a engagé? La ville de San Diego, en 1916. C'est faux. Je te jure que c'est vrai. Hein? En décembre 1915, San Diego a payé 10 000 $ US me déçoit. À un rainmaker, Charles Hatfield, pour donc arrêter la sécheresse. Et pendant plusieurs semaines, les semaines qui ont suivi, la ville a été inondée de pluie et a souffert en fait d'une des pires inondations de son histoire. Mais évidemment, on sait que ça n'a absolument rien à voir parce que c'est du gris-gris tout ça. Mais quand même, on montre ça comme un exemple d'ironie. Bref, vous allez voir tous les détails de ça. Un accord verbal entre le conseil de ville de San Diego à la mi-décembre 1915 qui demandait à Hatfield de produire assez de pluie pour remplir le réservoir Morena de 15 milliards de gallons en dedans d'un an pour avoir 10 000 $ américains, ce qui veut dire 200 000 $ américains et plus. C'est sur une base de la règle « no rain, no pay ». Donc pas de pluie, on te paie pas. Hein? Et ça a fonctionné. Entre guillemets. En effet. Le hasard a fonctionné. Parlant d'eau, est-ce que c'est vrai que les bouteilles d'eau Aquafina ne gèlent pas? C'est un peu comme de l'alcool, on peut pas faire geler les bouteilles d'Aquafina. Ça, c'est les bleus avec le bouchon vert. Exactement, avec les petites montagnes, là, toutes cute là, sur l'emballage. L'intérieur ne gèle pas? Que l'eau en tant que telle ne gèle pas. C'est faux. C'est en effet faux! Woohoo! Ah non! Ouais. Ça sonne comme faux. Ouais, Donc, il y avait des rumeurs, en fait, c'était... J'en ai déjà fait geler, fait que je le sais! Ah, voilà! c'est venu, en fait, d'une vidéo de 2016 sur YouTube nommée « Aquafina doesn't freeze, why antifreeze? » Donc, les gens disaient qu'il y avait de l'antigel à l'intérieur. C'était posté, bien sûr, sur les sites web de théorie du complot, hein? Ça montrait donc un travailleur de la construction perplexe devant des bouteilles pas congelées, donc, mais au froid d'Aquafina, entourées de variétés d'autres sortes d'eau qui, elles, étaient gelées complètement solides. Et c'est ça, donc il parle en fait, ouais c'est ça, dans sa vidéo, il parle contre Monsanto, contre l'aspartam, contre le gouvernement du Canada, donc toutes les théories du complot, là, etc., etc. Mais en tant que tel, ce n'est pas vrai. Ça dit que, je vais essayer de trouver... oui, l'eau Aquafina et les autres bouteilles d'eau sont en fait vraiment très très filtrées pour enlever les impuretés. Donc c'est possible qu'une bouteille qui n'a pas été ouverte, qui a été refroidie tranquillement et qui n'a pas été dérangée ou bougée, pourrait rester dans son état liquide en dessous de la température de la, de la congélation, c'est ça? Congélation? Mm-hmm. Bref, ça se peut. Mais ça n'expliquerait pas en fait la... Oh, qu'est-ce qu'il y a? Rien. T'as-tu brisé la sonnette? Non. Non? J'aurais dû amener la deuxième qu'on avait aussi dans le bureau, hein? Non, non. T'as tiré trop fort sur le nipple? Non, je suis en train de le dévisser. Un petit TDA, hein? Pas capable de focusser sur grand-chose. Je l'ai, là! Je l'ai! Check! Bravo! Ding! Oh! C'est ma vie. Elle est revenue. Ah, bref, on dit que... le site de conspiration beforeitsnews.com a suggéré que c'était le propylène glycol qui avait été utilisé pour une variété de raisons dans la nourriture process et les boissons et qui a des propriétés antigel qui pourraient être la cause de cette incapacité à geler, mais il n'y a pas vraiment d'évidence que c'est utilisé de preuve donc que c'est utilisé dans de l'eau distillée. Bref, on peut pas prendre cette vidéo-là comme une preuve de rien parce que ça n'a rien à voir, sûrement que ça a été même manipulé. Si on veut. Mm-hmm. Ensuite, est-ce que c'est vrai que les huiles essentielles sont poison pour les chats? Oh. Les experts médicaux qui donc disent, avertissent que l'eucalyptus et d'autres huiles essentielles peuvent être très mauvaises pour les chats. Écoute. Oh, t'es pas là sûr? Je dis c'est vrai. T'as raison! Ouais! Oui, donc une femme du Michigan qui parlait donc que son chat a touché de l'huile de l'eucalyptus utilisée dans un diffuseur et ça a amené la controverse sur les réseaux sociaux et les experts ont confirmé ce fait-là. Et donc, c'est passé en janvier 2018. Elle aurait empoisonné son chat Ernie en utilisant un diffuseur dans sa maison avec de l'huile d'eucalyptus pour calmer son rhume. Qu'elle avait. Les premiers jours, elle n'avait pas remarqué de symptômes chez Ernie, mais le quatrième jour, il était léthargique, instable sur ses pieds et bavait beaucoup. Son mari a googlé l'huile d'eucalyptus et ça disait que ça pouvait être toxique pour les chats parce qu'ils peuvent pas, ils peuvent pas métaboliser ça, comment t'appelles ça? Mm-hmm. Bref, ça listait tous les symptômes de Ernie. Et sans cette information-là, ça aurait pu être fatal pour le chat. Au moins, il l'a emmené chez le vétérinaire et le chat n'est pas mort. L'American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, donc l'ASPCA, liste les huiles essentielles comme l'eucalyptus, l'orange et le citron, entre autres, comme étant parmi les causes de problèmes chez les chats. On avertit sur leur site web de ne pas utiliser d'huiles essentielles autour des chats, donc tenez-vous-le pour dit. Voilà. Ensuite, est-ce que c'est vrai que du sang, des défécations de chiens et d'autres trucs horribles ont déjà été trouvés à l'intérieur de produits Starbucks? Oh là là, Boswell! Il y aurait apparemment un Starbucks de Atlanta qui aurait fermé après des plaintes de contamination. C'est faux! Heureusement, c'est faux. Yes! Heureusement, donc un Starbucks à Atlanta a fermé, en effet, le 7 janvier dernier, après que les gérants aient reçu donc des petits tuyaux par rapport à des employés qui auraient placé justement du sang, des crottes de chien et d'autres trucs comme ça dans les produits. La rumeur a démarré un mouvement de hashtag Starbucks Contamination sur les réseaux sociaux. Par contre, ça avait absolument rien à voir avec les employés du Starbucks, ça avait absolument rien à voir avec Starbucks en général. En fait, ça a débuté sur un forum, donc apparemment quelqu'un a créé ça de toutes pièces. Pour faire renvoyer quelqu'un, en fait. Mm-hmm. Donc, on disait... En fait, ça s'appelait « Let's get her fired ». Donc, ça demandait aux utilisateurs du forum 4chan de créer des memes, de contacter Starbucks et de faire de ce hashtag-là, Starbucks Contamination, quelque chose de populaire. Donc, c'est une campagne de blagues qui est devenue comme grand public, si on veut. OK. Voilà. Basée sur l'idée que peut-être que quelqu'un pourrait faire ça éventuellement, mais c'est complètement fou. Ensuite... est-ce que c'est vrai que des vedettes mangent à un restaurant cannibale de Los Angeles? Apparemment que Katy Perry, Meryl Streep et Chelsea Clinton ont mangé de la peau humaine dans ce restaurant connu de Los Angeles. Oh lolo, hein? C'est faux! C'était mon freebie de la journée, c'était la réponse évidente. Yes! C'est vraiment faux. Donc ça a absolument rien à voir. C'était un article, un faux article de janvier. Ben, on fait un vrai article, mais sur une fausse nouvelle. On peut pas dire que c'est des fausses nouvelles, des faux articles, parce que c'est exactement vrai. Bref, c'est ça, on mentionnait ces vedettes-là qui auraient mangé de la peau humaine, mais le Cannibal Club, qui est ce restaurant-là, n'existe pas. Le site Your Newswire a basé son article sur deux composantes. Un faux site web, un vrai site web d'une fausse place, du Cannibal Club, qui est en ligne depuis au moins 2009. Et ensuite, un document qui aurait fuité, entre guillemets, qui donc parlait de Streep, Clinton et Perry comme étant des membres. Mais c'est complètement faux. Mm-hmm. Ensuite, on a parlé la semaine dernière du calendrier particulier de 2018. Tu te rappelles, ça avait fait un petit peu de toi quelqu'un de... ça fait rire de toi. Par moment, où on avait dit que le 1er janvier était un dimanche, le 2 février ben ouais, aussi, là, le 3 mars, etc., etc., mais ça se pouvait pas. J'avais pas le droit de regarder le calendrier. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais donné un super gros indice, mais tu l'as quand même raté, on se rappelle. Tu m'as dit un mardi que... on était le 8. Qu'on était la semaine du 15 et la semaine du 8. Et là, il fallait que tu fasses moins 7, ce qui t'a amené au 1er un lundi et non pas un dimanche. Ouais, ok. Tu te rappelles? Si je peux continuer dans le même domaine pour essayer de te récupérer un petit peu la mise. Ouais. Hein? On parle d'un autre calendrier, en fait d'un autre fait de calendrier selon le calendrier qu'on utilise, le calendrier chrétien. Donc, ça nous dit qu'en 2018, deux dates très importantes pour les chrétiens, le mercredi des cendres et Pâques, vont tomber en fait, que le mercredi des cendres va tomber le jour de la Saint-Valentin et que Pâques va tomber au jour du 1er avril, donc du poisson d'avril. Donc 2018 va être une drôle d'année pour les catholiques. Ça passe sur Internet en ce moment. Donc le mercredi des cendres à Saint-Valentin et le jour de Pâques au poisson d'avril. Et écoute, j'ai servi la messe quand j'étais jeune, mais je me souviens vraiment très peu du mercredi des cendres. Mais pourtant, le mercredi des cendres, c'est pas en mars? Ça, je pourrais pas te dire, en fait. Parce que si je te le dis, ça va te dire la réponse. Ouais. Je vais te dire que c'est faux. Mais non, c'est vrai! Ah, pauvre toi! Boss, well, t'as pas réussi à récupérer ta mise la semaine passée. Donc, en 2018, le dimanche de Pâques tombe le 1er avril, donc le April Fool's Day. On va pouvoir jouer des tours à ces gens-là. Et le mercredi des cendres tombe donc, par association, le 14 février, qui est la Saint-Valentin. C'est pas mal ça, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On dit que la date de Pâques varie d'année en année. Ça tombe généralement le dimanche suivant la pleine lune. La première pleine lune du printemps dans l'hémisphère nord, ou la première pleine lune qui est après la date de l'équinoxe hivernal. En tout cas, bref. Donc, c'est oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une émission basée sur Harry Potter qui s'en vient sur Netflix? OK. Annoncée en avril 2017, quand même il y a longtemps. Un nouveau film? Une nouvelle émission. Sur Harry Potter? Au sujet d'Harry Potter ou de ce qui se passe dans Harry Potter, pas nécessairement avec Harry Potter. Dans c'est le faux! Monde. C'est en effet faux! Tristement, il n'y a pas de série Netflix qui s'en vient pour Harry Potter, en tout cas pas en date de janvier 2018. Je serais au courant. Ben, il me semble qu'on l'aurait su, c'est ça. Par contre, Mathieu, est-ce que... Ben, vas-y, termine ta nouvelle, j'ai embarqué par la suite. Tu parles du jeu vidéo, hein? Non. Non? Oh. Donc, c'est une fausse publicité créée par des fans, en fait. Si je peux même te montrer le poster, j'aurais pu peut-être te montrer ça aurait pu t'aider un petit peu. Honnêtement, belle affiche. Belle affiche, quand même, de Harry Potter avec son... j'imagine que c'est son truc d'invisibilité. Ouais. Donc, une série originale de Netflix à Noël 2020. C'est ce que ça disait, mais c'est faux, c'est des fans qui l'ont fait. Qu'est-ce qui se passe? Non, moi, je veux plutôt un peu te discuter du film qui a fait quand même jaser, qui est fan-made, donc fait par des fans italiens, qui a été traduit dans d'autres langues et qui porte sur le passé de Voldemort. De Tom Jedusor en français. C'est apparemment très, très bon. Hein? Comment? En français, c'est Tom Jedusor. Jedusor, hein? C'est horrible. C'est pour que ça fasse « Je suis Lord Voldemort », quelque chose de même. En tout cas, yark. Je l'ai écouté. Oui. C'est 50 minutes. Ouais. C'est excellent. Ah ouais? C'est excellent. Wow. Ben, c'est cool. J'ai été fortement surprise. Tu l'écoutes après les autres films ou... Ou entre, ou ça se passe quand? C'est après les autres films. Okay. Honnêtement, tu peux l'écouter pas mal n'importe quand parce que ça fait juste relater, en fait, ce qui s'est passé, comment est-ce que Voldemort a décidé de faire 4 Horcruxes. Oh! Ouais. Intéressant. Vraiment intéressant. Regardez-le. Sur YouTube. Sur YouTube. Mm-hmm. C'est bien évidemment en italien. Moi, je l'ai écouté en anglais. Bien évidemment en italien. Hein? Ben, c'est fait par des Italiens. OK, c'est fait par des Italiens. Oui, exactement. Okay. Fait par des Italiens. Le gars qui joue Voldemort, je sais pas, il sort d'où, là, mais... Il ressemble? OK. Il lui ressemble, puis... Pas piqué des verres? Voldemort, t'es cute dans le temps! Ben cool, tant mieux. On voit pas Harry, en passant, non. Là. Il y a zéro Harry Potter là-dedans. C'est l'invention des quatre maisons maîtres. Poufsouffle, Serpentard, Serre-d'Aigle et Gryffondor, bien évidemment. Parle-moi pas en français, c'est laid. Ouais, je sais, mais qu'est-ce que je te dis? c'est vraiment le fun. Allez, honnêtement, prenez un 50 minutes là, ce soir pour vous regarder ça sur Internet, ça vaut la peine. C'est noté. On continue toujours dans le vrai et le faux, donc Tania doit déterminer ce qui est vrai, ce qui est faux parmi les nouvelles que je lui présente. Est-ce que c'est vrai qu'une famille a accueilli un deuxième enfant la veille de Noël? Qui? Une famille des ouais. résidents de la ville de Stony Brook, Jackie et Josh Grossman, qui ont eu leur deuxième fils le 24 décembre 2017, 4 ans exactement après la naissance de leur premier fils aussi le 24 décembre. Je veux dire, par césarienne, oui! T'as raison! Ouais! On va voir si par césarienne, par exemple. Donc, okay. Une famille de New York, pour cette famille-là, Noël devient une tradition pour avoir des enfants, hein? C'est donc Newsday qui nous dit que ces résidents-là, Jackie et Josh Grossman, ont eu leur deuxième fils, 4 ans exactement après leur premier fils. Le bébé Elliot et son plus vieux frère Oliver ont été donc livrés, si on veut, à l'hôpital universitaire de Stony Brook par le docteur Phil Schoenfeld. Le médecin a travaillé la veille de Noël à l'hôpital depuis les 17 dernières années. Jackie Grossman dit qu'elle se sent bien sûr bénie des dieux d'avoir ces garçons-là qui partagent cette journée. Et on ne parle pas de césarienne. Oliver dit que ça lui dérange pas de partager sa fête avec son frère. Et puis sa mère dit qu'il a couru partout dans l'hôpital pour dire la nouvelle au monde. Bon, c'est-tu pas merveilleux? Mais c'était naturel. Ben oui. Est-ce que c'est vrai que tu devrais jamais mettre de papier de toilette sur un siège de toilette? J'ai vu ça passer. Ça augmenterait le risque de pathogène en mettant du papier de toilette sur le siège. Écoute. Hein? L'article s'appelait « After you read this, you'll never put toilet paper on the seat again. » Je l'ai vu passer, je l'ai pas lu. J'aimerais qu'on m'explique qu'est-ce que des pathogènes, parce que je ne suis pas au courant, mais je vais dire que c'est faux. C'est faux! Ouais! Hé, hey, contente, là! Elle a une bonne note aujourd'hui. C'est incroyable. Donc, utiliser du papier de toilette comme barrière entre ton derrière et le siège de toilette, on disait dans l'article que ça donnait des risques de santé plus que le faire sans barrière, c'est complètement faux. On essayait de dire ça, mais en fait, ça va à l'encontre de la logique et des recherches scientifiques qui ont été publiées depuis toujours. Donc, des questions que les scientifiques ont en fait mentionné à plusieurs occasions dans des journaux avec critiques et revues par les pairs. Donc, en 1975, une étude de laboratoire avait donc dit que... ça disait que dans les toilettes publiques, flusher une toilette permet aux bactéries, aux virus de rester dans les airs assez longtemps pour s'installer sur les surfaces dans la salle de bain. Les échantillons montraient que le plus de bactéries étaient sur le siège de la toilette et non pas sur les murs et les autres surfaces autour. Ensuite, une étude de 2005, utilisant son propre raisonnement, si on veut, s'était rendu à une conclusion différente. L'article est vraiment long, je m'excuse d'essayer de trouver les bouts pertinents. Que flusher peut libérer des pathogènes, donc des microbes dans l'air, et ça peut leur permettre de se rendre sur une variété de surfaces. Mais étant donné que ces pathogènes-là sont surtout retrouvés sur le siège de la toilette, le pouvoir anti-microbe que le papier de toilette serait supposé avoir ne fera pas son travail. Donc les expériences ont montré que les pathogènes sur des surfaces non poreuses, comme le siège de toilette, étaient plus facilement transférables à la peau que d'autres... que du papier de toilette. Attends un petit peu, qu'est-ce que ça dit? Caroline, c'est vraiment trop compliqué pour moi, cette histoire-là. Hein? Ça paraît-tu? Mais c'est faux. Donc, vous pouvez continuer de mettre du papier de toilette parce que j'imagine que ça va absorber, étant poreux, comme l'a dit l'étude, poreux, ça va absorber quelques microbes. Voilà. Ouh! Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'une chaîne de cinéma a averti les clients par rapport à une scène de silence prolongé dans le plus récent Star Wars? Dans The Last Jedi, il y a une scène apparemment avec un très long silence. Donc les visiteurs de la chaîne de cinéma AMC dans deux états ont vu cette lettre-là affichée sur les murs, les alertant de ne pas s'en faire, que c'était normal. Je peux même te montrer l'affiche qui a été créée. et qui dit, je cite, « Veuillez noter que The Last Jedi contient une séquence vers les 1h52 dans le film où tout le son arrête pendant environ 10 secondes. Les images continueront de jouer à l'écran et vous n'entendrez rien. Ceci était intentionnellement fait par le réalisateur comme effet créatif. » Et c'est signé AMC Classic. C'est faux! Je l'ai pas vu, fait que je peux pas le dire. Je sais pas. C'est vrai. Hein? Ouais. On est rendu là, en 2018. Les milléniaux, hein? L'effet créatif. L'effet créatif. Non, mais sérieusement, je veux dire, avertir les gens de ce qui, dans le fond, est pas mal. Normal. Ben, normal. Et, tu sais, certains diraient que c'est un spoiler, donc je lirai pas tout l'article pour vous. Certains diraient que c'est un spoiler parce qu'il se passe quelque chose, clairement, qui fait que le son est coupé. Mais en disant rien de plus, je pense que je vole pas de punch. J'ai lu le punch et ouais, je m'en rappelle déjà plus. Ouais, c'est ça. Mais apparemment que c'est bien important. Hein? Donc, une semaine après la sortie de Star Wars The Last Jedi, des photos ont circulé en ligne révélant donc que les cinémas AMC avaient posté cette lettre-là, ce message-là sur le mur. Et possiblement non seulement pour le public, mais aussi pour les gens qui s'occupent de la projection. Mm-hmm. S'ils n'ont pas été mis au courant de d'autres façons, qu'un moment dans le film n'est pas un problème technique. Donc voilà, une note qui est aussi qui était postée dans je crois que c'est un message qui a été envoyé en lettres aussi. Bref, et ça a été vu en Floride et dans le New Jersey. Voilà. Vers les 1h52 du film, ça veut dire pas mal vers la fin. Hein. Ouais. Il se passe quelque chose à la fin. Ah, OK. Dans le film. C'est drôle un film où il se passe quelque chose quand même. Ben oui. Est-ce que c'est vrai que UPS a perdu l'héritage d'une famille d'une valeur de 846 000 $ américains pour ensuite leur rembourser seulement le frais de shipping de 32 $? Non, c'est chez UPS qui aurait perdu un chèque d'héritage. 846 000 $ US. Et on leur aurait seulement remboursé 32 $ de frais d'envoi. C'est vrai. Je vais te donner 0.5 points. Fais un petit... non, c'est trop gros. Fais un petit ding. OK, merci. 0.5 points, parce que c'est à moitié vrai, à moitié faux. UPS a vraiment perdu un chèque pour 846 000 $ US et a vraiment remboursé le frais de shipping de 32 $. Par contre, UPS n'a pas refusé de remplacer le chèque. Ils n'étaient pas responsables non plus de le faire. Donc, à la place, la banque qui a fait le chèque a... pu régler le problème. Exactement. En fournissant aux clients un nouveau chèque. OK, moi, je le disais comme ça aussi, là, mais... Ah ouais, mais tu l'as pas dit à l'oral. Je te jure que je l'ai passé. Ouais, non, ouais. Je sais. Mais c'est parce que je sais que c'est pas le problème de UPS qui se trouve dans le colis. Voilà. Exactement. Donc, c'est passé en décembre 2017. Une histoire, une nouvelle un petit peu virale, donc, qui a été ramassée par plusieurs sites. Mais on a quand même un petit peu ambitionné les faits, sensationnaliser la chose, sensationnaliser le grand titre, souvent des articles, pour faire cliquer les gens. Mais bon. En tant que tel, c'est en partie vrai. Et, pour terminer, est-ce que c'est vrai qu'une femme a été étonnée de trouver une facture d'électricité au montant de 284 milliards de dollars? Ça s'est passé en Pennsylvanie. Facture de quoi? Facture d'électricité. 85 milliards. 284 milliards. T'avais aucun des deux facteurs. Non, 284 milliards et facture d'électricité. Sacrifice, elle vit dans un espèce de gros château. Exact. Voilà, je veux dire que c'est faux. Mais non, c'est vrai. T'allais si bien depuis le début. T'allais si bien. Une femme de Pennsylvanie donc est allée en ligne pour vérifier sa facture d'électricité et elle a été étonnée par le montant, plus de 284 milliards de dollars. Le Erie Times News nous dit que Mary Oromanski a dit que ses yeux sont presque sortis des socles quand elle a vu le montant. Elle croyait donc que sa famille avait peut-être mal installé les lumières de Noël. Tu sais, la madame, c'est une personne âgée, là. Donc, elle a pensé vraiment qu'elle devait vraiment payer 284 milliards de dollars. Oh my God, OK. Elle a pensé, ben, crème, ils ont peut-être mal branché les lumières de Noël puis ça a coûté super cher, tu sais. Mais le bon côté des choses, c'est qu'elle n'a pas eu à payer le montant au complet. En fait, qu'elle n'avait pas... Sur la facture, elle n'avait pas à payer le montant au complet avant novembre 2018. Seulement le minimum dû de 28 156 $ était demandé pour décembre. Mais bref, le fils de Romanski a contacté Penelec, qui est la compagnie d'électricité. Hein? Ouais. Penelec. Penelec. En tout cas. Bref, qui ont confirmé l'erreur et la compagnie parent, First Energy, a dit qu'un point décimal ou une virgule a été... accidentellement déplacé. Et son nouveau montant, en fait, était de 284,86 $. Ah, much better. C'est plus raisonnable quand même. En effet. Penelec. Penelec. Penelec McQueen. Ah, boy. Voilà pour le vrai le faux. Ton pointage? On n'en parle pas. Non, okay. Moitié? En bas de la moitié? Non, j'ai un petit peu plus que la moitié. En fait, sur 16. Sur 16, t'en as fait 16, oui. J'en ai fait 16. Oui, sur 16, j'ai 9,5. J'en ai pourtant 15 de mon côté, mais ça se peut. 16? Ben, j'en ai noté 16. Bref, combien, t'as? 9.5. 9.5. Bah, c'est pas si respectable, quand même. C'est respectable. Ça ira mieux la prochaine fois, Tania. Exactement. On prend une pause au retour. Il nous reste encore pas mal de sujets à couvrir, donc on reste là. Hein? C'est vrai, ça? Ben oui. Ouais. FM 89.1 FM. Toujours dans l'émission matinale Assemblage Requis, accompagné de Mathieu Plante et de Tania Baudin. Oui, il en reste pas long. Non, une demi-heure même pas, 25 exactement. Minutes. Exactement. Environ. Tu sais ce qu'on va faire dans la dernière demi-heure, Tania? Non. Non? Quoi? On va manger dis-moi quelque donc. Chose dans une grosse pointe d'adresse. Fais pas ta surprise, là. Fais pas ta surprise. mais avant ça, il faut aller se renseigner un petit peu. Et là, tu seras pas surprise non plus parce que ce sont les mêmes nouvelles qu'hier, avant-hier et lundi. Mm-hmm. C'est toujours le même Info Campus, hein? À chaque jour. Ouais. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. La GEUQTR lance un appel de communication dans le cadre de son colloque multidisciplinaire des cycles supérieurs. L'événement aura lieu le 15 mars 2018. Pour soumettre sa candidature, il faut rédiger un résumé d'un maximum de 250 mots, de style abstract, d'un article scientifique. Ce résumé devra par la suite être envoyé à cyclesup.age@commercialuqtr.ca. La date limite pour les candidatures est le jeudi 8 février à 23h59. Vous souhaitez acquérir des outils pour vivre le succès professionnel? Les ateliers MITAC sont pour vous. Le lundi 22 janvier prochain, de 9h à 17h, des spécialistes dans leur domaine offriront différents ateliers de perfectionnement. Pour s'inscrire, il faut écrire à calfonce@commercialmitac.ca. L'événement aura lieu au local 1104 pavillon Michel Sarrazin de l'UQTR. Faites vite, les places sont limitées. Le mercredi 24 janvier se tiendra l'événement Stage emploi de 11h à 15h au Hall Gilles Boulet ainsi qu'à l'Atrium CEU. Cette journée réunit plusieurs kiosques d'entreprises et d'organismes spécialisés en ingénierie, informatique, administration et comptabilité. Les étudiants et étudiantes pourront ainsi apporter leur curriculum et se trouver un lieu de stage ou faire du réseautage. Félicitations à l'équipe de volleyball des Patriotes. Les athlètes ont remporté la Coupe de l'Est 2018 dans la catégorie universitaire Division 1. Elles affrontaient des équipes venant de l'Ontario, du Québec et des Maritimes. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. C'était donc l'Info Campus qui joue tous les jours ici dans Assemblage Requis ainsi que sur l'heure du midi. C'est écrit par David Ferron, le chef de pupitre du journal Zone Campus, lui par Tania Baudin. Mm-hmm. Merci à eux. Ça fait plaisir. Ben, okay. Maintenant, c'est le moment de garder la bouche grande ouverte. Hey boy! Je dirais, pour faire entrer un produit d'une texture quelconque. Et voici une grosse pointe d'adresse. C'est une grosse pointe d'adresse, la chronique du tiroir, des produits du tiroir où on prend un produit acheté en épicerie, en dépanneur, en pharmacie, peu importe, et on le mange ou on le boit dépendant de la semaine. Mm-hmm. Cette fois-ci, on va manger, Tania. D'accord. Quelque chose que j'ai gardé dans mon tiroir depuis avant Noël. J'ai comme peur. En fait, je l'avais gardé pour le potluck parce que je me disais que ça faisait un petit peu temps des fêtes. Oui, je me souviens, t'étais resté avec un... En fait, je suis resté avec deux produits, dont un que Stéphanie Paradis avait finalement pris elle aussi. Je peux même te dire c'était quoi ce produit-là qu'on avait tous goûté ensemble et qu'on avait beaucoup aimé. C'était les lindors au pain d'épices. Ah, mon Dieu, oui. Miam. On en a comme ça pour le reste de la journée. Yes. mais ce que j'ai amené aujourd'hui, c'est différent. C'est aussi du chocolat, par contre. Okay. Tu sais, à Noël ou pendant les fêtes, on voit souvent les oranges au chocolat. Oui, les, ben oui, certainement. Les oranges en chocolat ou les chocolats en forme d'orange. Oui. Qu'on doit taper sur le bord de la table. Oh mon Dieu, le bang! Bang! Eh bien, Brookside, dont on a déjà produit, dont on a déjà goûté les produits par le passé. On a goûté des bleuets ou quelque chose comme ça, des fruits en chocolat noir. Oui. Donc, ils ont sorti Brookside chocolat noir fait avec de vraies canneberges. C'est donc aux canneberges et amandes avec arôme d'orange sanguine. Oh my God! Je trouvais ça assez original pour l'essayer. Ouais. Toi qui as mangé un orange sanguine cette semaine, ça m'a inspiré à ramener ça. C'est ça, je vois ça. C'est ça, j'avais déjà acheté. Bref. Donc, canneberge, on aime ça. Oui. Amande, on aime ça. On adore. Arôme, un petit peu moins. J'aurais aimé ça qu'il y ait de la vraie orange sanguine. Ouais, moi aussi. Mais bon, orange, c'est cool. Sanguine, c'est bon. Vraie canneberge, comme c'est écrit dans le cercle, ce qui veut dire que c'est vraiment pas de vraies oranges. Ça précise pas que c'est de vraies amandes, mais on peut supposer. Ouais, on suppose. Hein? Probablement. Ça existe-tu des fausses amandes? Je sais pas. Donc, ça dit que ça peut contenir des arachides et d'autres noix. On l'espère bien. Parmi les ingrédients, le premier, c'est du chocolat noir. Merveilleux. Génial, on aime ça. On adore. Je lirai pas ce qu'il y a dans le chocolat noir. Je vais sauter après la parenthèse. Canneberge sèche sucrée. OK. Donc, ça contient canneberge et sucre. Oui. Hein? Amande. Oui. Arôme naturel. Et de l'huile de tournesol. Oh, quand même, quand même. C'est importé par Brookside Foods, une division de Hershey, je savais pas. Il marque pas le logo d'Hershey nulle part. Ben, moi, je savais pas c'est Hershey. Colin. Et ça a gagné le prix des meilleurs nouveaux produits. Ah ouais? C'est où ça? Meilleur nouveau produit de 2017 choisi par les consommateurs. Wow! Quand même, ça doit être vraiment bon, ça a gagné ce prix-là. Ouais. Hein? C'est tout. C'est tout pour à dire. C'est bon jusqu'en août 2018, donc on devrait être correct. Je te lance ça. Et le micro magique est là pour t'accueillir, comme toujours. Exact. C'est un flap, hein? Tu peux juste tirer dessus, je pense. Ouais? Je pense le Ah, t'as raison. Ouais. Je cherchais comment ouvrir. Il y a plein de façons d'ouvrir ça. Oh, quel bon son. Oh! Grosse palette! Très grosse palette. C'est enveloppé dans du papier aluminium rouge. Ouais. Festif, pas mal. Festif, en effet. Peut-être que tu l'as acheté dans le temps des fêtes, hein? Ouais, mais je me demande si ça a un lien. Peut-être pas. Peut-être pas. C'est quoi qu'il y a dessus des feuilles? Ah, c'est le logo de Brookside, je pense. C'est des petites feuilles, là, c'est un petit arbre. Oh! Ça sent quoi en premier? Canneberge? Ça sent les canneberges, beaucoup. Évidemment, ça sent le chocolat noir, parce que c'est du chocolat noir. Moi, j'adore l'odeur du chocolat noir, parce qu'il est amer. C'est pas le pourcentage? Je te dirais qu'on a vraiment là, un bon mélange de canneberge et orange dans, dans l'odeur. Yum. J'aime beaucoup. Je vais... Oui. Entendre. Donc, je me prends un carré. Un carré de 4. Oh, ouais, OK, quatre, c'est bon. Carré, bon. Ouais. Et je serais prête le tout. Un 4 carré, on dirait Betty White comme son carré de dame. Ah! Excuse-moi. Carré de dame. Je pensais que Mathieu avait fermé le micro. Un titre qui avait bien de l'allure, ce carré de dame. Ça. Hey, c'est le fun. Hein? Tu peux vraiment le découper en plus petits morceaux, Mathieu. Mais toi, t'es du genre à faire ça, découper en le petit morceau possible comme une bouchée pré-mâchée, là, tu sais. De quoi une bouchée pré-mâchée? On se rappelle pas que avoir l'air d'un chimpanzé à manger ma banane. Non, mais tu coupes tout petit. Mais oui, mais j'ai une petite bouche. Une petite bouche. Un petit bedon. Aussi. Bon, donc l'odeur de mon côté. Mais c'est parce que d'après moi, les portions sont calculées comme ça. En petit carré. En petit carré, c'est possible, mais moi, ce que j'ai ici, c'est un seul gros carré. Il n'y a pas de sous-division du tout. Ah! C'est drôle, hein? Bizarre, ça. On dirait que dépendant de l'endroit sur la barre, moi, j'ai pas de petite subdivision. Ah, ça, tu vois, c'est étrange. Il y a un petit arbre dessus, c'est le petit arbre de Brookside. OK. Bon, ben, t'es prêt? Oui, on est prêt. Allons-y. OK. Oh, très chocolat noir en premier, mais. Chocolat noir, mais. Orange, surtout. Moi, présentement, là, j'ai beaucoup d'orange et de canneberge. Mm-hmm. Je goûte pas encore tellement les canneberges. Je croyais que les amandes allaient être un petit peu plus présentes, mais c'est peut-être parce que j'en ai mangé un petit morceau. C'est pas très croquant, en effet. Non, c'est ça. J'y vais avec un autre petit morceau. Mm-hmm. La barre est très mince. C'est très bon. Là, dans ce bout-là, j'ai plus d'orange. Ça goûte un peu les fruits séchés. Évidemment. Évidemment. Hey, j'aime. J'aime aussi, j'aime beaucoup. Ouais. Je suis pas sûr que la canneberge est assez présente pour moi. Tu trouves? Je sais pas si je goûte plus l'orange ou la canneberge. Je dirais que ça se mélange un peu. Je pense que ça dépend de où t'es dans le morceau. Peut-être. Parce que, gars, tu vois, là, j'avais beaucoup d'orange. L'autre, avant, j'avais beaucoup de canneberge. J'essaie de voir le reste de la barre. OK, t'as raison. La barre d'un côté est divisée en gros carrés. Et l'autre côté, les gros carrés sont sous-divisés en quatre petits carrés. Bon. Donc, ça dépend du côté de la barre. Exact. J'aime ça. Je mets mon pouce en l'air, là. Moi aussi. Mais je regarde à l'intérieur et tu le vois qu'il n'y a pas tant que ça de morceaux de fruits, là. Tu sais, il y en a un de ce côté-là, mais l'autre, il n'y en a pas du tout. Ouais. C'est peut-être pas assez fruité pour moi. Mais je laisse le pouce en l'air. Mais le goût du chocolat noir, déjà en partant Brookside, faut leur donner ça. Quand ils disent chocolat noir, d'après moi, c'est des 90% cacao. Là, pourquoi ils l'écrivent pas? Je sais pas. C'est très bon. Ouais, ça va être long à finir de manger. Goûteux. J'aime le fait que ça te fait saliver en même temps que tu le manges. Et j'aime le fait que c'est de l'orange sanguine. Ça donne un goût différent, en fait. Ouais, j'approuve. C'est vraiment long à mâcher. Très bon. Donc, Brookside, chocolat noir, canneberge et amande avec arôme d'orange sanguine. On approuve tous les deux. Pouce en l'air. C'est réussi. Bravo, Brookside. Yeah! Je pense que tous leurs produits sont bons, de toute Brookside façon. Brookside for the win! On pouvait pas manquer notre coup avec du Brookside. Hein? Ben non. Donc voilà, maintenant on est rendu à nos nouvelles de fast-food. Comme on le fait habituellement, en fait, ça fait un bon bout qu'on n'a pas fait ça. Commençons par, tu sais, la mode des Oreo Thins, les Oreos minces. Oui. Bon, ben maintenant, on les a aussi trempés dans le chocolat. Oh oui, Mathieu, j'ai dégoûté! À un moment donné, c'est parce que là, t'as des gros, t'as des minces, des double Attends. Stuff, des trempés, des pas trempés, des trempés minces, des pas trempés minces. Ça, il faut que tu comprennes que c'est vraiment petit, là. Ouais, ça, c'est des bites, les Thins bites, oui, j'avoue. Mais là, ça veut dire, OK, tu divises encore plus la catégorie, là. Parce que là, t'as les normaux. Non, c'est merveilleux, t'en prends 4. Thin bites. Ben oui, mais là. Mais attends, écoute-moi, là, t'en prends 4, là, puis ton craving est fait. Ah oui, 4. Ouais. Mais les saveurs ont l'air bonnes, par contre. À la menthe. Ouais. Mint cream, donc original, crème de noix de coco. C'est puis... coco que j'ai. Coco. Et il y a aussi une version non trempée dans le chocolat qui est seulement des Oreo Thins Bites. Donc, c'est vraiment des petits Thins, mais des Thins minces. Une sous catégorie. Hein? Ouais. C'est incroyable. Donc, disponible en ce moment même. C'est dans des sacs refermables et pas en boîte, juste en sac. C'est ça? Oui, c'est juste ça. C'est bien ça. Tu te rappelles, il y a quelques semaines où moi, on avait parlé de Hershey's Gold, c'était leur première nouvelle barre de chocolat en je sais pas combien de décennies, quelque chose comme ça. Donc, c'était arachide et bretzel. La barre Hershey's Gold était couleur dorée. Oui. On se rappelle de ça. Et bien maintenant, on les a transformés au dépanneur 7-Eleven en Hershey's Gold cappuccino. Ouh. Donc, c'est un cappuccino avec la saveur des Hershey's Gold, disponible pour un temps limité. Donc, cappuccino crème caramélisée qu'on peut retrouver dans la section des breuvages chauds. Donc, c'est ça goûte le beurre, le sel et le sucré. Pareil comme la barre Hershey's Gold, ça a l'air excellent. Ensuite de ça, on passe à un robot conversationnel pour vous aider à boire plus intelligemment. Une initiative de Bleu Blanc Rouge en collaboration avec Let's Drink Better pour conscientiser les gens sur le problème de l'alcool et aider une nouvelle génération de consommateurs à boire plus intelligemment. Bleu Blanc Rouge a collaboré avec Let's Drink Better, une association québécoise de restaurateurs et de tenanciers de bars, pour créer Mon Foie, un robot conversationnel bilingue destiné aux buveurs sociaux. Aha! C'est accessible sur Facebook Messenger et ça analyse les effets de l'alcool, donne de précieux conseils pour éviter les lendemains de veille et surtout prend de vos nouvelles le matin suivant afin de vous aider à boire plus modérément. C'est en version bêta en ce moment. Ça s'appelle donc Mon Foie. Ensuite, on va chez PFK où on peut payer maintenant au Canada, ici même, notre poulet frit en bitcoins. OK. Le bitcoin hein, qui commence à avoir un paquet d'années au compteur, comme nous rappelle UberGizmo.com. Qui est en baisse pour la première fois. En baisse énorme, mais si vous voulez investir dans quelque chose, n'investissez pas dans bitcoins parce que c'est l'affaire la moins stable au monde. C'est sûr que, déjà, à la base, si tu décides d'investir quelque part, ça va être insûr. Oui, mais ça va être plus safe sur certaines sur certains indices boursiers que sur le Bitcoin. J'ai des amis qui ont investi en Bitcoin. Ils ont perdu combien? Et ils ont fait beaucoup d'argent. Ah ouais, pour l'instant? Ouais. OK. Ouais. On va voir. On va voir si ça tient pour Mais peut-être qu'aujourd'hui, ça s'est écroulé. Probablement. C'est un peu ça, la bourse. Hein, aussi. Aussi, mais c'est particulièrement instable. Ouais. Bref, PFK Canada qui a lancé une campagne promotionnelle incitant les gens à acheter un saut de poulet frit à l'aide de bitcoins. On s'est temporairement retiré du marché pendant quelques temps et ensuite revenu plus tard, selon un porte-parole. De la façon la plus simple du monde que ça fonctionne, un poste redirige les clients vers un centre de commande numérique à partir duquel ils peuvent effectuer le paiement en bitcoin via le fournisseur de services BitPay. Le coût réel pour les intéressés était de 40$ en raison des frais de transaction de 20$ de BitPay. Donc ça revient quand même assez cher pour du poulet. Mais quand même, pour faire parler d'eux, ça fonctionne. On aime tous les Oreos, on a parlé tantôt. Il y a le Oreo Cookie Club avec des abonnements en boîte disponibles sur Amazon aux États-Unis maintenant. Donc pour ceux qui veulent leur dose régulière de Oreo par la poste, on peut s'inscrire à une boîte tous les mois. Donc, ça inclut deux saveurs d'Oreo. Ça peut être des bonbons ou du chocolat. Ou des biscuits. Sinon, il y a des cadeaux inspirés par Oreo, par exemple des chapeaux, casquettes, jeux et tasses, et une carte de recette à l'intérieur d'une boîte qui ressemble à une boîte classique de biscuits. Bon, pas des biscuits Oreo, mais des biscuits tant mieux. De belle classe. Mais c'est pas peu cher, 60$ US pour un abonnement de 3 mois, donc environ 20$ US par boîte. Et ça peut monter jusqu'à 240$ par année US pour un abonnement d'un an. C'est aussi 20$ par mois, donc par mois, c'est-à-dire donc vous économisez pas d'argent. Ouais, vous faites aucune économie. Aucune économie. Bref, et deux emballages de Oreo, on sait que ça coûte environ 6$ US. Donc on cherche le reste qui coûte 14$, probablement la boîte et la carte de recette. Mm-hmm. C'est disponible sur Amazon.com. C'est par la compagnie Cybersweets, vendeur de différentes collations, nourriture et bonbons. Ensuite de ça, la différence entre de l'eau pétillante, du seltzer et du soda. Est-ce que tu connais la différence dans tes eaux pétillantes? OK. Le soda, c'est sucré. Le soda, le club soda va être sucré. OK. L'eau gazéifiée n'a pas de sucre. OK. Fait que c'est de l'eau gazéifiée. Puis le seltzer, je te dirais que je sais pas tant c'est quoi. Donc l'eau pétillante, pour commencer, dans laquelle du dioxyde de carbone a été dissous, c'est un terme qui comprend toutes les eaux pétillantes. Donc on peut utiliser ça sous n'importe quelle, que ce soit de l'eau pétillante ou de l'eau du soda, on peut les appeler quand même de l'eau pétillante. Oui. Donc dans cette catégorie-là, il y a plusieurs distinctions et c'est là que ça va venir. Donc la prochaine distinction dans l'eau pétillante, le seltzer ou le club soda, les deux sont produits artificiellement. En passant du dioxyde de carbone sous pression à travers l'eau. Mais le seltzer ne contient pas d'ingrédients ajoutés et aucune saveur de plus, alors que le club soda, lui, contient un additif comme du sel de table, bicarbonate de sodium, bicarbonate de potassium pour ajouter un petit goût salé. Ouais. Hein? Et pour faire contraste avec ça, l'eau minérale, par exemple Perrier ou San Pellegrino, c'est de l'eau qui contient des choses naturelles, donc c'est des bulles naturelles et des minéraux à l'intérieur. C'est embouteillé directement à partir de la source naturelle, donc c'est souvent plus cher et ça a une effervescence plus délicate que les autres eaux pétillantes. Très, très, très, très bon. Typiquement, meilleur seul versus mélangé avec d'autres choses. C'est meilleur de boire cette eau minérale toute seule. Et si on veut faire des drinks, là, ce serait du club soda ou du seltzer. Exactement. Hein? Bon, on se comprend. Un article de popsugar.com que je trouvais quand même intéressant. Très intéressant. Ensuite, c'est un bar fabriqué à partir de blocs Lego qui s'en vient à Montréal cette année. Ça. T'as vu ça? Vraiment cool. Donc, ça s'appelle le Lego Bar. Ça s'en vient dans plusieurs villes comme un miracle pour nous. Donc, selon le site web du bar, il va y avoir des sculptures en Lego. Les gens vont aussi pouvoir jouer avec des Lego eux-mêmes, bien sûr. On appelle ça donc Adult Playground, donc un terrain de jeu pour adultes. Hein? Donc, tout le monde va pouvoir aller jouer là-dedans, en essayant de ne pas trop s'étouffer, de ne pas piler dessus non plus. Hein? Oui, en effet. Faites attention. Non, c'est pas affilié avec Lego du tout. Ah, c'est ouais? même clarifié sur le site web. Ce sont des briques à empiler, j'imagine, des briques à connecter. Ce ne sont pas des nécessairement des Lego, là. Sinon, ils auraient pu bien sûr se faire poursuivre par la compagnie Lego. Hein? Voilà, donc ça va ouvrir à Montréal dans les prochains mois. C'est pas la date? Non. Non, mais ça s'en vient aussi à Londres, au Royaume-Uni, à Los Angeles et à New York. Donc ça devrait être plus tard cette année. En fait, ça va être une tournée des villes, donc ça va pas rester là de façon permanente, si je comprends bien. Ça va être en tournée. Ensuite, Pepsi essaie de défier un petit peu Sprite et 7-Up avec un nouveau breuvage, une nouvelle boisson gazeuse qui s'appelle le Mountain Dew Ice. Donc PepsiCo qui veut affronter Sprite et 7-Up avec sa propre boisson citron lime transparente, hein? Mountain Dew Ice qu'on appelle MTN DEW Ice là, parce qu'on est cool, hein, mais MTN pour l'abréviation. C'est tellement moins long de toute façon. C'est ça, tu viens d'économiser plein de temps. Quoi qu'au Canada, on l'appelle quand même Mountain Dew avec le mot Mountain au complet. Je sais pas si t'as remarqué sur les bouteilles, on écrit pas MTN au Canada. J'imagine qu'est-ce parce qu'en français, ça n'a pas... On ne sait pas comment... On ne sait pas comment lire. C'est ça. Bref, on dit que c'est un goût crisp, donc pas croustillant, mais tu sais, genre sec, si on veut. Transparent, pétillant, fait avec du vrai jus. Et ça devrait rafraîchir tout le monde très bientôt. Donc, contrairement à Sprite, 7-Up et Miss Twist, qui est en passant une marque de Pepsi... Miss Twist, en passant, Twist n'a pas de I non plus. On enlève des lettres. Je pense qu'on économise de l'argent sur les lettres. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Bref, Mountain Dew Ice contient, contrairement à celle que je viens de mentionner, de la caféine, 91 mg par 20 onces. C'est disponible depuis le 15 janvier aux États-Unis. On peut trouver en bouteille de 20 onces, 2 litres et canette de 12 onces. Donc, j'ai bien hâte de voir si on va voir ça sur le marché canadien. Parlant de boissons gazeuses, as-tu vu le nouveau look de Diet Coke, Coke Diet? Non. Moi, je trouve ça vraiment laid. Vraiment pas beau. Quoique... Ben, je trouve que... OK, je vais le décrire un petit peu. La canette ressemble à une canette de Dasani Water, Sparkling Water. Les petites canettes, là, vraiment minces. Ouais. Grise, métallique un petit peu. Dans le milieu, t'as une barre verticale de couleurs, donc que ce soit rouge, vert, jaune, orange ou mauve. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. La barre est très, très, très mince. Le mot diète est écrit dans les mêmes lettres attachées qu'avant, mais de côté. Ouais. Et le Coke aussi. Ils ont modifié un petit peu le Coke pour que la patte du K soit un petit peu moins courbée. Mais en tant que tel, bon, je trouve que la barre est vraiment pas assez large. Le mot Coke a l'air pogné dedans. Je pense que c'est le but. Peut-être que c'est le but. Je sais pas. On dit que la ligne, bon, c'est supposé représenter, je sais pas, je pense avancer par en avant ou quelque chose de bullshit de marketing de même. Le goût ne change pas. Le soda, donc, vient dans une canette plus haute avec de nouveaux designs et ça va venir en emballage de 8. Et la raison pour laquelle il y a plusieurs barres de différentes couleurs, comme j'ai mentionné tantôt, c'est qu'il va y avoir de nouvelles saveurs pour atteindre les milléniaux. Ils ont même fait une petite vidéo mettant en vedette des milléniaux, tout ce qu'il y a de plus gossant, hein, tant hyperactif, plus gossant. Donc, Coke Diet qui va venir en 4 nouvelles saveurs, gingembre et lime. Mm-hmm. Quand même, gingembre, ça peut être puissant quand même. Ben oui. Feisty Cherry, donc une cerise un petit peu sauvage. Zesty Blood Orange, tu vois que la mode des oranges sanguines arrive même dans le Coke Diet. Ouais. Et Twisted Mango, pourquoi est-ce qu'elle est tordue, je sais pas, mais bon. On sait pas. Et la différence, en passant, pour ceux qui se le demandent, entre le Coke Diet et le Coke Zero, les deux sont sans calories, mais selon la marque, Coke Zero est supposé goûter... pardon, le nouveau nom, c'est Coke Zero Sucre. Maintenant, faut dire Coke Zero Sucre. Est supposé goûter plus comme le vrai Coca-Cola, alors que le Coke Diet est supposé être plus, encore une fois, crisp, donc un petit peu plus sec, si on veut. C'est un goût différent. Je trouve que les deux goûtent l'aspartame, mais bon. Ouais. J'aime pas la liqueur diète. Ça paraît. Continuons avec, je crois que ça va être notre dernière nouvelle, du Prosecco pour les animaux de compagnie. Ouh! Oui, le Prosecco très populaire et les gens aimeraient pouvoir gâter leurs animaux de compagnie. Donc pourquoi pas une boisson qui ressemble un petit peu à la saveur, j'imagine, du Prosecco. On appelle ça du Pasecco. Oh. Hein, donc du vin, entre guillemets, pour les chats et les chiens. Et la saveur Pet House Rose, ou rosé, j'imagine. Et ça dit de servir sur la nourriture. Serve over food, donc t'es supposé mettre ça dans le même bol que sa bouffe. C'est pas alcoolisé, c'est pas pétillant, c'est sans raisin, donc c'est vraiment rien. C'est une petite boisson comme ça, avec une infusion de elderflower, une sorte de fleur, j'imagine. Donc une eau à saveur faite pour avoir l'odeur qui va attirer les animaux domestiques. Donc en tant que tel, je sais pas si c'est le goût qu'on veut qu'il soit bon, c'est juste de les attirer et vous faire dépenser de l'argent en même temps. Ben oui. On dit que c'est un supplément alimentaire pour rendre leur nourriture un petit peu plus excitante ou pour faire flotter la viande. Mm-hmm. Wow. Pasecco. Faire flotter la viande. Mmh. Je regarde ça, je pense qu'on a le temps encore pour un petit peu. Combien de temps est-ce qu'une bouteille de vin peut rester dans, en fait, ouverte avant de passer comme de plus être bonne? Chose qu'on s'est déjà posé la question à plusieurs reprises, toi et moi. Si je me souviens bien, ça se joue dans une couple de jours. Mm-hmm. Ben, c'est ce que je pense aussi. Je crois que moi, après avoir dépassé 3 jours, ça goûtait le vinaigre pas mal. Mm-hmm. Mais bref, on a parlé avec... PopSugar.com a parlé à Colin Lilly pendant un voyage chez Andretti Winery à Napa Valley, en Californie. C'est un gars, Colin Lilly. Hein, mm-hmm. Son prénom, c'est Colin. Le nom de famille, Lilly. Donc, il dit que la réponse est complètement subjective. Donc, ça dépend de tes goûts. Hein? Ça dépend donc aussi de... on dit que c'est un investissement quand même, le vin. Donc, on a besoin, des fois, on se dit qu'on va le boire au complet dans la même soirée. Mais pas nécessaire. Le vin continue de vieillir à un taux accéléré une fois ouvert. Et lorsque tu ouvres la bouteille, c'est mieux de le boire dans les 4 à 6 heures sans compromettre le goût. 4 à 6 heures, c'est vraiment pas beaucoup. Le vin va changer un petit peu pendant cette période-là de façon positive. Et après 24 heures, il croit que le vin ne sera pas aussi bon. Moi, j'ai toujours trouvé que le vin le lendemain et le surlendemain, c'était bien parfait. Ben, ça dépend de où t'es dans ta bouteille, je crois. Ah, oh, oui, ça dépend de tes papilles, peut-être aussi, non? Aussi, mais si, par exemple, tu bois un verre de vin de ta bouteille, il n'y aura pas un immense gap d'air. Ah, je comprends. Si tu bois la moitié de ta bouteille, ton air qui est comporté dans la bouteille est beaucoup plus grand, donc ça va changer le goût du vin. Ça se peut très bien. Il nous dit que laisser la bouteille sur le comptoir pendant quelques jours, ça va pas vous rendre malade, sauf que vous allez goûter la différence même après seulement une seule journée. Les saveurs vont commencer à mourir et éventuellement, ça va devenir un goût déplaisant après 2 à 3 jours, comme je l'ai dit tout à l'heure. Exact. Mais bon, ça dépend des gens. Je l'ai quand même bu, je l'ai quand même fini la bouteille. Est-ce que tu avais remis le bouchon? Oui. OK. Ouais. C'est quand même pas mauvais, je trouvais. Ouais. Pas si bien. Ça dépend donc du type de vin et de son âge aussi. Et pour éviter la déception, on nous suggère de boire ça la même journée si possible. Et quand on parle de cuisiner avec du vin, les mêmes règles s'appliquent selon Colin Lilly. Voilà pour une grosse pointe en dresse. C'est tout. Vous pouvez retrouver les liens dans les notes de l'émission numéro 1188 sur assemblagerequis.com. Nous, on va terminer l'émission là-dessus. On remercie Véronique Mire pour sa Véroniclopédie aujourd'hui. Merci énormément. On l'a perdu en cours de route. Je ne l'ai pas mentionné encore, mais on a perdu Stéphanie Paradis et Catherine Langlois qui vont être... Ouais. Potentiellement au moins une d'entre elles de retour éventuellement. Et remplacée. Et remplacée aussi, effectivement. On se magasine de nouveaux chroniqueurs et ça s'en vient. Exactement. En passant, si jamais ça vous intéresse, cher public, sachez que vous pouvez très bien nous envoyer votre curriculum vitae. Petite démo, là. Petite démo. Mm-hmm. Et c'est ça, on va vous contacter on par la suite. On cherche du talent. On cherche à remplir notre lundi. Et voilà, acquisition de talent pour le lundi surtout, exactement. Donc voilà, nous on se retrouve demain entre 7h et 10h pour les meilleurs moments de la semaine dans l'édition week-end. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, ne manquez pas Patriotes en action à partir de midi. La rediffusion du Mathieu Plante Show d'hier avec moi-même et Frédéric Simon à partir de 13h à 18h. Ne manquez pas le retour aujourd'hui de la sortie de secours à votre gauche avec Sébastien Evgartin et Lucas Hubert. Hubert. Ça commence à 18h et puis Très Blues Assez Fou commencera à 19h comme toujours. À demain. À demain tout le monde, bon café. Ben, là. Oh oui. Okay, oui. On n'a pas bu encore. Non. Bye. Bye.